السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. بسم الله. La semaine passée, nous avons étudié la dernière ghazwa à laquelle a participé notre prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le nom de cette ghazwa? Quel est le nom de cette expédition? Andaman. Ghazwa Tabuk. Elle a un autre nom. Lequel? Al-Usra. La difficulté. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait celle de la difficulté? Car c'était très loin, car l'ennemi était nombreux, car c'était dans un temps de chaleur intense. Pour ces raisons et d'autres, on l'appelait Jayshul Usra, Ghazwatul Usra. Al-Usra étant la difficulté. Al-Usra étant la difficulté. Naam. Et on trouve la mention de Ghazwatu Tabuk dans le Coran, notamment dans Sourate At-Tawbah, également dans Sunnah, particulièrement dans le recueil, yani dans Sihah, dans les livres authentiques. Dans le hadith d'Abi Moussa Al-Ash'ari radiyallahu an, il nous dit: Arsalani ashabi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam as'alu al-humlan lahum idh hum ma'ahu fi jayshil usra wa hiya ghazwatu tabuk. Donc dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari dans le Bukhari rahimahullah ta'ala, on voit ces deux appellations. Quant à la date de cette expédition, ça a eu lieu en l'an 9 de l'Hégire, durant le mois de Rajab. Ça a eu lieu en l'an 9 de l'Hégire, durant le mois de Rajab. Et cela 6 mois après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Hisar al-Ta'if. Naam, de Hisar al-Ta'if, comme nous l'avons étudié. Le prophète alayhi salatu wa sallam est sorti un jeudi et il aimait sortir le jeudi. Comme ça a été mentionné dans le hadith de Ka'b ibn Malik, que nous allons étudier, incha'Allahu ta'ala, en détail aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de ne pas mentionner la direction visée. Naam. Mais lorsqu'il voulait partir au nord, il parlait du sud. Et lorsqu'il voulait partir à l'est, par exemple, il parlait de l'ouest. Ceci pour ne pas, yani pour que l'ennemi n'ait pas connaissance de son arrivée. Et pour surprendre l'ennemi. À Tabouk, c'était à Roum. C'était les Romains. Et il y avait également Nasar al-Arab qui s'y trouvait. Et c'était donc les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il a commencé par eux. Il y avait peu de moyens. Il y avait très peu de moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc encouragé as-sahaba à dépenser pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman ibn Affan a énormément dépensé pour la cause d'Allah azza wa jalla, à un point tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé la bonne nouvelle que plus rien ne lui nuira après ce qu'il a fait en ce jour, et d'autres pareillement parmi les compagnons. Certains avaient très peu de moyens, mais ils donnaient selon leur capacité. Et certains parmi, ou plutôt les hypocrites à leur habitude, se moquaient des croyants. Celui qui donnait beaucoup, il disait, هذا مرائي. Il fait cela par ostentation. Et celui qui donnait peu, il disait, إن الله غني عن صدقتي. Certes, Allah n'a pas besoin de sa sadaqa. Et c'est ainsi que le munafiqoun, les hypocrites, sont un mal pour l'ensemble des croyants. Celui qui est pieux, ils disent, il fait semblant. Il fait cela par ostentation. Celui qui tombe dans les péchés, ils disent, regarde celui-ci, il prétend être croyant, regarde les péchés qu'il fait. Celui qui fait sadaqa, ils disent, il fait cela pour qu'on dise de lui qu'il est généreux. Celui qui donne pas, ils disent, regarde un tel comme il est avare. Ni quelle que soit l'action du croyant, l'hypocrite trouve une entrée pour le critiquer, pour le dénigrer et pour lui faire un mal. فَهُمْ شَرٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. C'est une calamité dans la communauté, yani pour la communauté musulmane. Et tous ces gens-là ont dépensé en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Celui qui fait le bien, ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi, yara, il le verra. Allah Azza wa Jal le comptabilise. Allah Azza wa Jal le rétribue pour cela. Que dire alors de celui qui a rempli ses mains plusieurs fois pour donner en aumône? À plus forte raison. Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Celui qui donne un peu d'une date, même pas une date entière, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte et la développe jusqu'à ce que ça atteigne l'équivalent d'une montagne, comme c'est venu dans le hadith. J'oublie les termes du hadith. Taqabbal Allahu bi yamini. Na'am. Ou bien comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Fayarbu. Elle augmente cette sadaqa. Id li tamr. Na'am. Elle augmente. Na'am. Et elle est élevée. Jusqu'à atteindre le niveau d'une montagne. Donc celui qui fait une aumône à hauteur de ses moyens, même si c'est une date, ou moins qu'une date, qu'il sache qu'il a une grande récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Comment, alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, ittaqi an-nar walaw bi shiqqi tamra. Prémunis-toi du feu de l'enfer ne serait-ce que par la moitié d'une date. C'est-à-dire, tu donnes en aumône la moitié d'une date, c'est une cause pour te préserver de l'enfer. D'autres parmi les savants expliquaient à shiqq en disant, c'est le filament à l'intérieur de la date. Même en donnant cela en aumône, tu te prémunis de l'enfer chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, leur sujet nous dit dans surat At-Tawbah, verset 79, الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله سخر الله منهم. Ces gens-là, ils se moquent, ils prennent en raillerie les croyants dans leurs aumônes. Naam, mais certains ne trouvent rien et ils donnent ce qu'ils peuvent. Naam, ces gens-là se moquent des croyants. Allah Azza wa Jal se moque d'eux. Et celui qui avait donné peu, comme on le verra dans le hadith, c'est Abu Khaythama al-Ansari, radiyallahu anhu. Tout cela est passé la semaine passée. On a également vu Qissatu al-Bakka'in, l'histoire de ceux qui ont pleuré. Qui sont-ils? Un groupe parmi les compagnons qui n'avaient pas trouvé de moyens ni de monture pour pouvoir accompagner le prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont donc venus le voir rempli de tristesse à l'idée de ne pas pouvoir l'accompagner dans cette expédition et montrer le meilleur d'eux chez Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, je ne trouve rien pour vous porter, je ne trouve rien. Yani, je n'ai pas de monture à vous donner et je n'ai plus de place pour vous porter. Donc ils sont partis et leurs larmes coulèrent. Et les savants mentionnaient Mada, qui étaient ces gens-là, Salim, Ulba, Abu Layla, Amr et l'Irbad ibn Sariyah, Salama ibn Sakhr, Abdullah ibn Mughaffal, Maqil ibn Yassar et d'autres. Puis Allah Azza wa Jalla a donné une excuse aux faibles parmi eux. Laysa ala al-du'afa wa ala al-marda wa ala al-ladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idha nasahu lillahi wa li rasulih ma ala al-muhsinina min sabil ma ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala ala al-ladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw ayunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dans surat At-Tawbah 91-92, Allah Azza wa Jalla nous mentionne ici ce que nous avons cité. À la kulli hal, le prophète alayhi salatu wassalam donnait ce qu'il pouvait et encourageait les compagnons radiyallahu anhum à donner. Allah subhanahu wa ta'ala appelait les compagnons à tous sortir, tous ceux qui avaient la capacité. Les hypocrites alors, habitude, khadhalul muslimin, al mu'minin as-sadiqin, ils ont trahi les croyants véridiques et ils ont fait volte-face et ils ont avancé de fausses excuses. Et ils ont même découragé les croyants de participer à cette expédition. Ceux qui venaient voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui avançaient des excuses, le prophète alayhi salatu wassalam acceptaient ce qui était apparent de leur pas. Et ils abandonnaient leur intérieur à Allah subhanahu wa ta'ala. Les hypocrites ont également construit une mosquée pour diviser et pour comploter contre l'islam et les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'interdiction d'Allah azza wa jal de se tenir dans cette mosquée et de prier dans cette mosquée. Parce que cela reviendrait à s'entraider dans le mal et la transgression. Et celui de la vérité, il ne lui convient pas de rester mélangé aux gens du faux. Si ce n'est qu'il se rende auprès d'eux pour les conseiller s'il pense qu'il peut changer le mal. S'il le change, alhamdulillah. Dans le cas contraire, il rebrousse chemin et il ne reste pas auprès d'eux. Pourquoi ? Pour ne pas augmenter le nombre des gens du faux, premièrement. Deuxièmement, pour ne pas être cause de tentation et d'ambiguïté. Car ils diront, mais un tel fait partie des gens du bien. Si ces gens avaient été parmi les gens du mal, ils ne seraient pas au milieu d'eux. Naam. Donc ils s'éloignent pour que le chemin des gens du haq, de la vérité, soit distinct des gens, du chemin des gens du faux. Du chemin des gens du faux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Ali ibn Abi Talib de rester pour être le responsable à Médine. Pour être le responsable à Médine et assurer les arrières. Ali ibn Abi Talib a été attristé de la situation, a rejoint le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: Ya Rasulallah, tu khalifuni fi nisa wa sibyan, tu me laisses avec, yani derrière, avec les femmes, avec les enfants. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit une parole magnifique: Ama tardan takuna minni bi manzilati Harun min Musa, n'agrédis-tu pas d'être par rapport à moi comme fut Harun par rapport à Moussa, illa annahu la nabiyya ba'di, si ce n'est qu'il n'y a pas de prophète avant, après moi, si ce n'est qu'il n'y a pas de prophète après moi. Parmi ceux qui ont quelque peu tardé, mais qui ont tout de même rejoint le prophète alayhi salatu wassalam, il y a Abu Khaythama, comme on le verra. Il y a également Abu Darda. Ou plutôt Abu Dharr. Ou plutôt Abu Dharr radiallahu anhu. Et on a mentionné l'histoire de la fin de sa vie radiallahu anhu. Quant au nombre des sahaba, ils étaient environ 30 000 radiallahu anhum. Les compagnons se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la faiblesse de leur monture. Le prophète alayhi salatu wa sallam a donc attendu de passer dans un passage entre deux montagnes. Puis il a invoqué en leur faveur, en faveur de leur monture. Et Allah subhanahu wa ta'ala a béni ces montures. Allah subhanahu wa ta'ala a béni ces montures. Ils sont arrivés à Tabouk. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait une khutbah. Le prophète alayhi salam a fait une khutbah et il a donné beaucoup de notions et beaucoup de conseils. Parmi les épreuves durant cette expédition, al-jou'u shadid, la grande faim, la grande famine qui a touché les compagnons, ajouté à cela la grande chaleur, donc ils étaient assoiffés et il y avait peu de coins d'eau. À un point tel que lorsque l'un d'entre eux sortait pour, à la recherche de l'eau, il avait la gorge en feu. Il avait la gorge en feu, tout asséché. Naam. Un jour durant Tabouk, le prophète alayhi salatu wassalam a tardé à venir à la prière du Fajr pour un besoin. Il était accompagné de l'Mughira, radiyallahu anhu. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé Abdurrahman ibn Auf, qui présidait la prière. Lorsque les compagnons l'ont vu à la fin, ils ont eu peur d'avoir commis un mal. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, les a rassurés et leur a dit, « Qad ahsantum, vous avez bien fait. » Combien de temps sont restés les musulmans à Tabouk? Combien de temps sont restés les musulmans à Tabouk? Ils sont restés 20 jours. Comme dans le hadith de Jabir, dans le recueil d'Ibn Hibban. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, priait la prière du voyageur. Au lieu de prier 4, pour le dhuhr, le asr et l'isha, il priait 2. Et dans le recueil de l'imam Muslim, le hadith de Mu'ad, kana yajma', il unissait entre le dhuhr et l'asr, tout comme il unissait entre le maghrib et l'isha. Et dans cela, il y a une preuve pour ceux qui disent que le temps de la prière du voyageur n'est pas délimité à 4 ou bien à 12 ou 13 jours. Naam, mais il va au-delà. Tant que la personne est en voyage, elle peut prier la prière du voyageur. Tant que la durée ressemble à une durée de voyage et non pas celui du résident. Naam, ici on voit que le prophète alayhi salatu wassalam, 3 semaines, yani 20 jours à prier la prière du voyageur. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a donc pas rencontré l'ennemi. Pour une hikmah qu'Allah azza wa jal sait, les Romains ne sont pas sortis à sa rencontre. Et cela en soi est une noblesse pour les compagnons, du fait que malgré leur nombre et ce grand voyage, ils ne sont pas sortis à leur rencontre. Ils sont donc revenus sains et saufs, radiyallahu anhum. À leur retour, ou bien durant ce voyage, nous avons vu que les compagnons sont passés près des demeures de ceux qui avaient reçu les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala et près de leur point d'eau. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit de ne pas entrer dans leur demeure afin de ne pas être touché par ce qui a touché ces communautés passées et de ne pas y entrer si ce n'est en pleurant. Quant à lui, il est passé rapidement, sallallahu alayhi wa sallam. Le point suivant, muhawalatul munafiqin fi qatl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa adiyati. Le point suivant, il reprendra ici la tentative des hypocrites durant ce voyage. Ils ont essayé d'agresser ou bien d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était sur sa monture. Et il a ordonné à un compagnon d'annoncer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait traverser cet endroit, Al-Aqaba, alors que personne ne l'emprunte avec lui. Donc cette annonce a été faite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec deux parmi les compagnons. Un devant lui qui tenait sa monture, un derrière lui. Naam. On a appelé et on a dit que personne n'emprunte le chemin en même temps que le prophète alayhi salatu wassalam. Malgré ça, un groupe d'hypocrites ont rejoint le prophète alayhi salatu wassalam dans ce passage. Naam. Ils ont rejoint le prophète alayhi salatu wassalam dans ce passage. Et il y avait avec lui, derrière lui, Ammar ibn Yasir radiallahu anhu. Ils ont donc tenté de toucher le prophète alayhi salatu wasalam. Mais comme il y avait Ammar avant, ça a touché Ammar. Ammar, en les voyant, il s'est défendu en faisant fuir leur monture. Et le prophète alayhi salatu wasalam, en ayant vu une nuisance derrière lui, il a ordonné à ce qu'on accélère le pas. Il a ordonné à ce qu'on accélère le pas. Et devant lui, c'était Hudhaifa. Il s'est donc dépêché. Lorsqu'ils sont descendus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ammar, a'arafta al-qawm, sais-tu qui était-il? Ammar radiallahu anhu a dit non. Et qu'il a vu leur monture, mais il n'a pas vu leur visage. Probablement qu'ils avaient couvert leur visage. Puis, Ammar ibn Yasir a dit, et il a attrapé ce qu'il avait su, ce qu'il avait reconnu parmi eux, et il leur a dit, ne savez-vous pas, ou bien un autre que Ammar, ne savez-vous pas qu'on avait interdit de passer en même temps que le prophète alayhi salatu wassalam? Alors les deux ont dit non, on ne savait pas, ils n'ont pas entendu cet ordre-là. Donc eux, ils ont vu des gens, ils ont avancé avec eux. Alors ces deux-là ont été innocentés. Ces deux-là ont été innocentés, c'était des croyants, mais ils n'avaient pas entendu l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Yani de munadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Puis Ammar a dit, je témoigne que ces 12 autres, harbun lillahi wa li rasuli. Et ces 12 autres, j'atteste que ce sont des ennemis. Naam, j'atteste que ce sont des ennemis dans ce bas monde, et le jour où se lèveront les témoins. Puis il y a eu le chemin donc du retour. Les gens de Médine ont accueilli le prophète alayhi salatu wassalam. Les gens de Médine sont sortis, naam, et ils ont attendu le prophète alayhi salatu wassalam, et lorsqu'il est arrivé, ils l'ont accueilli radiallahu anhum. Et As-Sa'ib ibn Yazid, qui était enfant à l'époque, dit, kharajtu ma'a as-sibyan, je suis sorti avec les enfants, ila thaniyatil wada', un endroit qu'on appelle thaniyatul wada', natalaqa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam min ghazwati tabuk, pour accueillir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de son retour de la ghazwa, de l'expédition de Tabuk. Naam, et il se rappelait de cela. Ici, une parenthèse et une correction. Il y a un poème qui est connu et répété, et même appris peut-être des enfants et des jeunes filles, qui est Tala al-Badru alayna. Vous avez déjà entendu parler de ce poème? Tala al-Badru alayna. Hein? Ils disent que ce poème a été prononcé par eux lorsqu'ils ont accueilli le prophète alayhi salatu wassalam. Sachez donc que l'accueil du prophète alayhi salatu wassalam est authentique. Mais quant au poème, il a été rapporté de manière très faible. Le poème, il n'est pas authentique. Le poème, il n'est pas authentique. Ça n'est pas la parole des compagnons. Donc il ne faut pas dire qu'ils ont dit ça. Il ne faut pas dire qu'ils ont dit cela. Le prophète alayhi salatu wassalam, en se rapprochant de Médine, il a accéléré le pas. Il a accéléré et s'est réjoui de se rapprocher de Médine. C'était sa ville, c'était la ville qu'il affectionnait tant. Puis il a dit aux compagnons, celui qui veut accélérer, qu'il accélère, celui qui veut rester, qu'il reste. Chacun maintenant fait comme il le souhaite. Puis il a dit, hadi taba. Il a dit, voici taba. Taba est un des noms de Al-Madina, comme Taiba, comme Al-Madina. Et ils ont en commun la notion de Tib. Tib, c'est le fait d'être bon, d'être pur. Et ça fait partie des noms et des qualités de Al-Madina. Il a également dit, Hada Uhud. Il y a une parole qui est connue chez les croyants. C'est quoi? Hada Uhud. Wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, voici Uhud. la montagne de Uhud. Et c'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Quand est-ce qu'a été prononcée cette parole du prophète alayhi salatu wassalam? Désormais nous saurons que ça a été prononcé à son retour de la bataille de Tabouk, ou plus précisément de la razwa de Tabouk, de l'expédition de Tabouk. وَهَذَا أُحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّ. C'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Puis le prophète alayhi salatu wassalam arrive à Medina, a commencé par entrer dans sa mosquée. Et il y a prié deux unités de prière et c'est la sunna de celui qui rentre de voyage. C'est la sunna que de commencer avant de rentrer chez soi par la mosquée du quartier ou autre. Il commence par la mosquée, il fait deux raka'ah avant de rentrer chez lui. Ibn Athin, rahimahullahu ta'ala, dans le sharh de Riyad Salihin, dans le sharh du hadith de Ka'b ibn Malik, dit, très peu sont ceux qui appliquent cette sunna. Et il dit vrai, rahimahullah. Puis il dit, la plus grande cause, c'est l'ignorance des gens devant cette sunna. Ils savent pas que c'est une sunna. Pourtant, c'est une chose très facile. Pourtant, c'est une chose très facile. Dans le recueil de l'imam Bukhari, Aouf ibn Malik, radiallahu anhu, nous dit que durant le voyage, il est parti trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, qui était dans un camp fait de peau. Yani, je ne sais pas comment dire. Yani, ils lui ont élevé comme une tente. Naam, comme un abri. Avec, yani, qui était fait de peau, une koubba, min adam, ou min adam, yani, min jild. Et là, il a informé, sallallahu alayhi wa sallam, de signes de la fin du monde. Il a informé de signes de la fin du monde. Il a dit, u'dud sittan bayna yaday sa'a. Dénombre six points avant l'heure de la fin du monde. Et il retient ces six points, ces signes précurseurs de la fin du monde. Mauti, thumma fathu bayt al-maqdis. Il lui a dit, ma mort. Donc, la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, est un signe de la fin du monde. Tout comme son envoi est un signe de la fin du monde, comme ça a été mentionné dans un autre hadith, bu'ithu ana wa sa'a kahatayn. J'ai envoyé moi et l'heure de la fin du monde comme ses deux doigts. Naam, c'est proche, c'est un signe de la fin du monde. Et sa mort est un autre signe de la fin du monde. Puis il dit, fathu bayt al-maqdis. L'ouverture de bayt al-maqdis. Thumma mautan ya'khudhu fikum. Puis deux morts. Naam, qui touchera beaucoup de monde. Puis istifaratul mal, la propagation des richesses. La propagation des richesses à un point tel qu'on donnera à l'homme 100 pièces d'or et il repartira en colère. Subhanallah. Il y aura tellement de richesses que l'homme, on va lui donner 100 dinars. Fayarji' sakhitan. Troisième nous dit quoi? Il repartira ou il passera la journée. Fayavallu. Il passera la journée en colère. Et il n'est pas satisfait d'avoir eu cette grande richesse. Pourquoi? Parce que ça sera une époque où les gens seront très riches, où les richesses seront largement propagées. Puis il nous dit, fitnatun. Il y aura un trouble. La yabqa baytun min al-arab illa dakhalathu. Une tentation, bien un trouble, une fitna. Il n'y a pas une maison parmi les maisons des Arabes sans qu'elle n'y entrera. Sans qu'elle n'y entrera. Certains ont dit c'est la télé. Il y en a certains parmi les gens. Ils ont dit c'est la télé. On ne peut pas se permettre, Naam, de dire sans preuve. Certes, ça c'est une réalité. C'est une fitna qui est rentrée, Naam, chez beaucoup de gens. C'est presque tout le monde. Naam, presque tout le monde. Cette chose qui est une maladie grave, et devant laquelle ils ont une grande dépendance, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, la télé. Naam, ce grand mal que beaucoup parmi les croyants même amènent pour leur famille, et devant laquelle seront éduqués leurs enfants et verront tout le façade, tout le mal. Naam, en un clic d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, tout le haram se réunira dans son foyer. Wal'iyadhu billah. Mais pour pouvoir expliquer le hadith prophétique en disant que c'est la télé, il faut une preuve. Sinon, on aura parlé dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science. Il a également mentionné des expéditions ou bien des divergences qu'il y aura entre les croyants ou bien les compagnons et Bani al-Asfar. Une histoire qui s'est passée à Tabouk, c'est qu'un matin le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié salat al-subh. En sa compagnie, il y avait Mu'ad. Il y avait le compagnon Mu'ad. Après la prière, les gens sont partis et ont pris leur monture. Et ils ont avancé, ils se sont endormis. Quant à Mu'ad, lui, il est resté proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils ont avancé ensemble. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Oudnou, rapproche-toi de moi. Il s'est rapproché de lui. À un point tel que leurs deux montures ont été collées. À un point tel que leurs deux montures se sont retrouvées collées. Et ils ont fait le chemin ensemble. Mu'ad radiallahu anhu a saisi cette occasion pour questionner le prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, i'zan li, as'aluka an kalimatin qad amradatni. وأسقمتني وأحزنتني قال سلني عما شئت معاذ رضي الله عنه أجي ومساجد الله Laisse-moi t'interroger au sujet d'une parole qui m'a rendu malade, qui m'a tourmenté et attristé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, questionne sur ce que tu veux. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, حدثني informe-moi بعمل يدخلني الجنة informe-moi d'une action qui me fera entrer au paradis لا أسألك عن شيء غيرها je ne questionnerai plus au sujet d'une chose après celle-ci فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن نعم le prophète صلى الله عليه وسلم a dit بخن بخن لقد سألت بعظيم وإنه ليسير على من يسره الله. Tu as questionné sur une chose immense, mais en réalité c'est une chose facile pour celui à qui Allah aura accordé facilité. Puis, Yani Prophet a répété cela trois reprises. Puis il lui a dit: تؤمنوا بالله واليوم الآخر. Tu crois en Allah, tu as foi, tu as l'iman en Allah. Au jour et au jour dernier. Wa tuqimu as-salah. Tu accomplis la prière. Wa ta'budu Allah wahdahu la tushriku bihi shay'a. Et tu adores Allah uniquement, seul, sans jamais rien lui associer. Hatta tamut. Jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Wa anta 'ala dhalik. Alors que tu es dans cet état, dans cette situation. Qala ya nabi Allah, a'id li. Il lui a dit, ô prophète d'Allah, et répète-moi cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a répété une deuxième fois. Puis il lui a dit, ô prophète d'Allah, et répète-moi cela. Yani pour bien les mémoriser. Subhanallah. C'est la cause pour entrer fil jannah. Il lui a demandé sur une chose azim. Naam. Donc il ne convenait pas de lire comme on lit nous. Naam, sans prêter attention. Ou bien d'écouter comme on écoute sans prêter attention. Non, Mu'ad. Et les compagnons n'étaient pas de cela. Mais pour eux, un hadith valait mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Parce que s'il l'applique, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui garantit le paradis. Et cette garantie, elle est accordée par Allah subhanahu wa ta'ala. La yukhlifu Allahu al-mi'ad. Et Allah azza wa jal ne manque jamais à sa promesse. Wa man asdaqu min Allahi qila. Wa man asdaqu min Allahi haditha. Et qui est plus véridique en matière de parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a donc répété à trois reprises. Passons maintenant à une histoire bouleversante, un hadith célèbre, le hadith de Ka'b ibn Malik. Le hadith de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Et qui te dira qui est Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu? Il fait partie des rares croyants à ne pas être allés à l'expédition de Tabouk. La plupart de ceux qui ne sont pas partis à Tabouk, ce sont des hypocrites. Ils étaient environ 80. Mais parmi eux, il y a une minorité. Ibn Uthaymin dit 3. Parmi les croyants, qui n'avaient pas d'excuses. Ce sont ceux qu'on va lire dans ce hadith. Ceux qu'on va voir dans ce hadith. Donc, ces trois-là ne sont pas partis à la razwa de Tabouk. Et ils n'avaient pas d'excuses. C'est une faute qu'ils ont commise, puis après laquelle ils se sont repentis. Et Allah Azza wa Jalla a mentionné leur histoire dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné leur histoire dans le Coran. Et a fait référence à eux au verset 119, si je ne me trompe pas, de la sourate At-Tawbah. Qui sont ces trois personnes? Notez et retenez. Ka'b ibn Malik, le plus célèbre d'entre eux. Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu. Murarat ibn al-Rabi'. Murarat ibn al-Rabi'. J'ai un doute sur le mime, est-ce que c'est avec un dhamma ou autre? Ibn al-Rabi'. Al-Amri. Et le troisième, qui sait son nom? Qui connaît son nom? T'as retenu le deuxième? T'as retenu le deuxième? Man huwa? Muraratu. Muraratu ibn al-Rabi'. Le premier est connu, Ka'b ibn Malik, tout le monde connaît. Le deuxième, Muraratu ibn al-Rabi'. Et le troisième, Salim? Hilal ibn Umayya. Hilal ibn Umayya. Naam. Al-Waqifi. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et l'imam Muslim. Il est long, il fait 3 pages. Le hadith 3470 dans le Bukhari, il est rapporté également par l'imam Muslim. عن عبد الله بن كعب ابن مالك رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه حين عام. Celui qui nous rapporte ce hadith, c'est Abdullah, le fils de Ka'b ibn Malik, qui était le guide de son père lorsqu'il devint aveugle. Il rapporte, donc je vais lire directement en français car c'est très long. J'ai entendu Ka'b ibn Malik me parler du jour où il est resté à l'arrière, n'accompagnant pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de l'expédition de Tabouk en disant « Je n'avais jamais fait défaut au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour une expédition excepté celle de Tabouk. Je n'avais pas pris part à celle de Badr non plus, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait reproché à personne son absence lors de cette expédition car il était sorti avec les musulmans dans le but d'intercepter la caravane de la tribu de Quraysh. Mais Allah lui fit rencontrer les ennemis à l'improviste. » Ka'b ibn Malik nous dit que la razwa de Tabouk, il n'y a pas participé. Mais il ne fait pas partie des pécheurs à la base. Il ne fait pas partie de ceux qui n'assistaient pas. Au contraire, c'est la seule fois, il nous dit, c'est la seule fois où je n'ai pas accompagné le prophète alayhi salat wa salam. Puis il dit pareillement à la bataille de Badr, je n'y étais pas. Mais ça n'est pas une faute. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sortis pour la bataille à la base. Ils sont sortis pour intercepter la caravane, comme nous l'avons étudié au début, qui était guidée par qui? Abu Sufyan radiallahu anhu. Vous vous souvenez? Mais Allah Azza wa Jalla a décrété que Abu Sufyan réussisse à prendre par le côté de la mer et évite les croyants Par la suite, yani avant cela, il avait appelé Quraysh au secours. Ils ont levé une armée. Ils sont tous sortis. Lorsqu'il a sauvé la caravane, il les a informés. Ce n'est plus nécessaire de venir. Vos biens sont en sécurité. Ils ont dit non. À l'image d'Abu Jahl et autres. Non, on va aller sur place. On va en finir avec les musulmans. On va rester 3 jours. On va prendre des chanteuses. On va boire de l'alcool. Et toute la péninsule arabique entendra parler de nous et ils vont nous redouter à tout jamais. Mais subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala a décrété autrement. Ils sont venus, ils étaient plus de 900. Naam. Ils sont venus, ils étaient plus de 900. Combien étaient les croyants? 319. Ils étaient 314 environ. Ils étaient environ 314 contre près de 1000 personnes. Ils avaient très peu de montures. Et Allah Azza wa Jal nasarahum. Allah Azza wa Jal leur a accordé le secours et la victoire. Il leur a accordé le secours et la victoire. Mais ça n'était pas organisé, ça n'était pas voulu. Mais Allah Azza wa Jal l'a décrété. J'étais aussi présent en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la nuit de Al-Aqaba. Lorsque nous attestâmes de notre islam, et je préfère avoir assisté à cet événement plutôt qu'à la bataille de Badr, bien que cette dernière soit bien plus souvent mentionnée par les gens. Ka'b ibn Malik nous dit qu'il était présent quand un groupe parmi l'Ansar ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit qu'il n'échangerait pour rien au monde ce jour-là. Même si la bataille de Badr est plus célèbre et plus connue auprès des gens. Puis il dit, radiallahu anhu, lorsque je fis défaut lors de l'expédition de Tabouk, par Allah, je n'avais jamais été aussi fort et riche que lorsque je m'y absentais, et par Allah, c'était la première fois que je possédais 2 montures. Ka'b ibn Malik nous dit, en gros, j'avais aucune excuse. Il est tellement véridique que même lorsqu'il raconte l'histoire, qui en apparence, pourrait diminuer de sa valeur, na'am, ben il est véridique et il colle à la réalité parce qu'il est sadiq. Parce qu'il est véridique. Il informe en parfaite concordance avec la réalité des faits, quitte à mentionner des choses négatives à son sujet. Dans son corps, il était fort. Dans ses biens, il était riche, un point tel qu'il possédait 2 montures, et ça n'avait pas été le cas jusqu'à présent. De plus, jamais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne préparait une expédition sans simuler d'en prendre une autre. Excepté pour cette expédition-là, c'est-à-dire lorsqu'il visait un endroit, il faisait comme s'il allait en viser un autre. Comme s'il allait en viser un autre. Et cela faisait partie de sa sagesse. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais écoutez la suite. Excepté pour cette expédition-là. Sauf dans ce cas-là. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entreprit cette expédition sous une chaleur ardente. Premièrement, il faisait très chaud. Et s'apprêtait à accomplir un dur voyage. Deuxièmement, c'était très difficile. Une traversée du désert et à rencontrer de nombreux ennemis. Troisièmement et quatrièmement. Voici les causes pour lesquelles il a informé les compagnons cette fois-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en informa les musulmans afin qu'ils se préparent. Nombreux étaient les musulmans qui accompagnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aucun registre ne regroupait leur nom. Ainsi, celui qui désirait s'absenter au cours de cette expédition pensait qu'il passerait inaperçu, à moins qu'Allah ne fasse une révélation à son sujet. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'engagea dans cette expédition lorsque les fruits furent arrivés à maturité et que l'ombre se faisait plus présente. Deux bienfaits dont j'aimais profiter. Ka'b ibn Malik nous dit, la situation était ainsi. Et il nous ajoute une particularité. Lui, il fait partie de quelle tribu? D'Ansar. Quelle était l'activité principale d'Ansar? Naam. L'agriculture, ça y est. L'agriculture. Ashabu zira'a. Et l'agriculteur, le moment qu'il aime le plus, le moment qu'il attend le plus, c'est quoi? C'est celui-ci. Naam. Lorsque les fruits furent arrivés à maturité. Et ça, c'est une tentation, c'est une épreuve. C'est comme si on te dit, il y a un séminaire. Il y a un grand savant. Et toi, t'as postulé pour du travail. Et ça fait 10 mois, tu attends une réponse. Tu te prépares. Naam. Et tu vas à un séminaire d'un grand savant, min ulama ahli sunnah. Et quand tu t'apprêtes à partir, tu reçois la lettre et tu vois que tu as obtenu le travail. Toi, tu as de l'argent, tu peux subvenir à tes besoins et ta famille. Mais là, c'est une occasion. Naam. Parce que tu vas changer de travail. Là, tu gagnes 1800 euros. Mais dans ce nouveau travail, tu vas gagner 2500 euros. Et t'as pas besoin de te raser la barbe ou là, du haram, kada. Non. C'est halal. C'est un travail halal. Y a pas d'alcool. Tu rates pas le Jumu'ah. Ni un, ni trois. Certains pensent qu'ils peuvent rater un Jumu'ah, deux Jumu'ah, troisième, c'est grave. Subhanallah. Haram. Fas'aou ila dhikrillahi wa dharu al-bay'a. Accourez à l'appel d'Allah. Et délaissez le commerce. Ça c'est dans Sourate al-Jumu'ah. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ka'b ibn Malik nous dit, et j'aimais cela. J'aimais cela. Donc ça, c'est une tentation en plus. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans se préparaient donc. Tandis que, désireux de les imiter, je repoussais pourtant toujours le moment de m'y préparer, en me disant qu'au moment où je le déciderais, je pourrais facilement m'y préparer. Ka'b ibn Malik a jamais eu l'intention de ne pas accompagner le prophète alayhi salatu wa sallam. Il a toujours eu l'intention d'assister à l'expédition de Tabouk. Ça, il faut le savoir. Il ne fait pas partie de ceux qui ont dit « Je n'y vais pas et je prétexterai ceci ou cela comme les hypocrites. » Abadan. Il fait partie des véridiques, des nobles compagnons, de ceux qui ont assisté à toutes les batailles, excepté la bataille de Badr. Mais ça n'était pas une bataille organisée à la base. Mais il se disait quoi? J'ai le temps. Je vais me préparer et je pourrai les rejoindre. Naam, je vais me préparer et je pourrai les rejoindre. Ibn Asim, rahimahullah ta'ala, dans l'expédition nous dit, l'âme, elle penche tout naturellement vers ces choses-là. Naam, les fruits sont proches d'être cueillis et ainsi de suite. Le voyage est loin, il fait chaud, c'est difficile. L'âme, elle veut quoi? Elle veut rah, elle veut la tranquillité. Elle veut le repos. Ibn Asim nous dit, c'est tout à fait normal et naturel. Et ici, une grande leçon. On continue d'abord. Je ne cessais donc de remettre mes préparatifs au lendemain, pendant que le musulman se préparait sérieusement, jusqu'à ce qu'un matin, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit de Médine, en compagnie des musulmans, en direction de Tabouk. Quant à moi, je n'avais rien préparé. Je sortais le matin. Pourquoi je sortais le matin? En se disant, je vais me préparer. Et revenais le soir sans avoir fait quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il se disait, j'ai le temps. Parce qu'il se disait, c'est pas grave, le lendemain, j'ai le temps et je les rattraperai. Je restais donc dans cette situation jusqu'à ce que l'armée ait tâté le pas et se soit éloignée. Je voulus aller sur ses traces et la rattraper, mais cela m'était impossible. Et ô combien j'aurais tant aimé l'avoir fait. Naam, il se ronge de remords. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans éloignés, j'éprouvais beaucoup de remords. Ibn Athaymin ici nous dit, il y a une grande leçon à tirer de ce passage. Il y a une grande leçon à tirer de ce passage, notez-la. Wa fi hadha dalilun ala anna al-insana idha lam yubadir bil amali salih فَإِنَّهُ حَرِيٌّ أَنْ يُحْرَمَ إِيَّا. Et dans cela, il y a une preuve. Que si l'homme ne s'empresse pas de faire les bonnes œuvres, si l'homme ne s'empresse pas de faire les bonnes œuvres, c'est-à-dire on t'appelle à une bonne action, toi tu tardes à la faire, tu tardes. Même si tu dis je vais la faire, tu ne sais pas grave demain, plus tard, tu t'empresses pas de la faire, tu ne t'empresses pas. Ibn Rathamin dit, celui qui fait ça, il se met dans une situation où il se voit dans un, yani dans une situation où c'est probable qu'on lui enlève ce bien, qu'on le prive de ce bien. Yani il a fait les causes pour se voir privé de ce bien. Vous avez compris la situation? Par exemple, il y a un pauvre. Et l'imam nous dit, aidez ce pauvre. Nous sommes 10. Alors les 8 se lèvent et ils lui donnent directement. Un autre se dit quoi? Je reste un peu là, il fait chaud dehors, ici il y a la climatisation. Et c'est pas grave, il a la porte de toute façon, en sortant je vais lui donner. Lui il a repoussé, d'accord? Il a repoussé. Puis quand il sort, il oublie. Où il sort, le pauvre n'est plus là. Il a été privé de ce bien. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas pressé de faire la bonne action. Alors on l'en a privé. On lui dit, le cours commence à telle heure. Il dit, c'est pas grave, j'ai le temps. L'autre lui dit, non, viens, on va en avance, comme ça on va réviser. Parce que la révision, c'est plus important que la mémorisation. Il dit, c'est pas grave, moi je vais venir à l'heure, Inch'Allah. Il tarde. Ensuite il boit. Ensuite il mange. Ensuite il s'amuse avec sa famille. Ensuite il se rappelle une chose, puis une autre. Puis quand il regarde l'heure, il dit, ah subhanallah, je vais arriver en retard. Ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, il dit, c'est pas grave, je vais rattraper, s'enregistrer. Combien de hassanats sont partis, les pas vers la mosquée, les doraka, l'assise de science, le pardon des péchés, l'inscription au paradis, la préservation contre l'enfer, l'effacement des péchés, la miséricorde, Allah les mentionne auprès de lui. Combien de hassanats? Combien de biens il a raté? Pourquoi? At-taswif. Le fait de repousser le bien. Non. Il faut s'empresser. Quand t'appelles à une bonne action, sois le premier. Sois le premier. Dis pas j'ai le temps. Mets ton nom en haut de la liste. Il y a un bien à faire, que ton nom soit en haut de la liste. Il y a une aumône, sois le premier à avoir donné. N'attends pas que tout le monde donne, ensuite tu viens, tu dis il reste combien. Non, sois en haut de la liste. Quand tu viens en masjid, reste pas au fond de la mosquée. Prends un saf al-awwal. Le prophète alayhi salatu wa salam a parlé au sujet de ceux qui sont au masjid mais ils ne prennent pas le premier rang. La yazalu aqwamun yata'akharun 'an as-saf al-awwal hatta yu'akhirahum Allah. Des gens ne cessent de se mettre en retrait jusqu'à ce qu'Allah les retarde. Ibn Uthaymin dit ça, c'est au sujet du saf al-awwal, au sujet du premier rang. Et il cite comme preuve un verset. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra. Naam, le fait qu'ils n'y ont pas cru au début, ça a été la cause de leur égarement. Quand la vérité elle te parvient, il faut la prendre directement. Quand la bonne action t'y appelle, il faut la mettre en pratique immédiatement. Ne dis pas plus tard. Ne dis pas je ferai. Quand le péché est là, il faut s'en repentir immédiatement. On ne dit pas plus tard. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à ce dans quoi il y a la vie. Wastabiqul khayrat, empressez-vous de faire le bien. Naam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Et accourez vers un paradis de la part de votre Seigneur. Il y a beaucoup de versets comme ça. Naam, il y a beaucoup de versets dans ce sens-là. Quand on nous appelle un bien, il faut le faire vite. Sinon, on peut s'en voir privé. Puis Ka'b ibn Malik rahimahullah radiyallahu anhu nous dit, d'autant, yani j'ai prouvé beaucoup de remords, d'autant que ceux qui étaient restés à Médine étaient soit des hypocrites avérés, soit des faibles qui avaient été dispensés par Allah de participer au combat. Parmi ce qui a augmenté la tristesse et les remords de Ka'b, le fait que lorsqu'il sortait, il voyait à Médine que des hypocrites. Subhanallah. Que des gens du mal. Pas les hypocrites cachés, ceux dont l'hypocrisie était avérée. Ceux dont l'hypocrisie était avérée. Ou des gens qui étaient excusés chez Allah. Les faibles, ceux qui n'avaient pas de moyens, et ainsi de suite. Une fois à Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'enquit de moi en disant, il a demandé à mon sujet. Il a demandé à mon sujet. Et dans ça, il y a une grande leçon, c'est que l'imam, lorsqu'il ne voit pas une personne parmi les prieurs, une personne parmi ceux qui assistent à la prière en général, il se doit de demander à son sujet. Ah, mais un tel, on ne le voit plus. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a un besoin? Si on nous dit qu'il est malade, après la prière, on va le visiter. On va le visiter, la centaine que nous sommes là. On se lève, on va le visiter. Quelqu'un va dire, mais c'est petit, c'est pas grave, on monte 10 par 10. Salam alaykoum ammi, kayf al-hal, bikhir, tayyib, inshallah, kada. On prend ses nouvelles, on lui fait la dua, on sort. 10 autres rentrent. Lui lui ramène du jus d'orange, lui lui ramène ça, lui lui ramène ça. Entre temps, on demande, il y a son fils, il aime boire quoi, il aime manger quoi. Celui qui n'est pas encore entré, il va acheter ce qu'il aime. On lui embrasse la tête, on sort, on fait dua. Le centième, le 200e, et ainsi de suite. Hakada barakallahu fikum. Ça, c'est l'adab qu'il y avait dans le masjid au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Il demandait où est un tel, qu'a fait un tel, comment va un tel, et quand on lui disait un tel est malade, il les visitait. Un tel est en voyage, on s'occupait de sa famille, on dépensait pour eux. Wahakada barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ماذا فعل كعب? Il est ici avec les sahaba. Il a dit, qu'a fait Ka'b ibn Malik? Un homme de Banu Salima, de la tribu de Banu Salima a dit, l'orgueil et la fierté l'ont empêché de se joindre à nous, au messager d'Allah. Certains passages, je vais les mentionner en arabe. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qu'a donc fait Ka'b ibn Malik? Un homme des Banu Salima répondit, l'orgueil et la fierté l'ont empêché de se joindre à nous. Yani littéralement, il dit ses vêtements et le fait de regarder comme cela, yani il regarde sur ses côtés, c'est ça qui l'a empêché de venir. À savoir sa dunya, l'estime qu'il a de lui et ses sens-là. Na'am, le fait qu'il prenne yani abusément soin de lui, l'orgueil, ou bien la fierté, ces choses-là l'ont empêché de se joindre à nous. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Vous avez entendu? Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas parlé. Mais, Mu'adh ibn Jabal, un des fuqaha et des savants chez Sahaba, lui a dit, comme sont mauvais les propos que tu as tenus. Quels sont mauvais? Ou comme sont mauvais les propos que tu as tenus. Par Allah, ô messager d'Allah, nous ne connaissons de lui que le bien. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tue. Vous avez compris la situation? Le prophète alayhi wa sallam demande au sujet de Ka'b ibn Malik une fois arrivé à Tabouk seulement. Un sahabi, qui est ce sahabi? Dit, rien ne l'a empêché si ce n'est le fait de regarder ses épaules, ses biens, son vêtement, et faire attention à lui de manière abusive. Et son orgueil, et ainsi de suite. Dites-moi le prénom de ce sahabi. Est-ce qu'on connaît le prénom de ce sahabi? Est-ce qu'il est mentionné dans le hadith? Qui est-ce qui nous raconte le hadith? Hein? Ka'b ibn Malik raconte ça à son fils. Donc c'est Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik sait qui a, yani Mu'adh, Ka'b, al-Sahaba, ils savent. Le sahabi qui a dit ça. Mais est-ce qu'il y a son nom dans le hadith? Dites-moi. Non. Qui a défendu Ka'b ibn Malik? Qui a défendu l'honneur de son frère? Mu'adh ibn al-Jabal. On connaît son nom? Naam. Ka'b ibn Malik nous raconte l'histoire. Ou bien on lui transmet l'histoire. Celui qui a dit la parole où il le dénigre, on ne nous dit pas son prénom. On le store, on le cache. Naam. Et celui qui l'a défendu et qui a une place louable et élogieuse, on lui dit son nom. Regardez l'adab. Regardez l'adab chez Sahaba. S'il n'y a pas la nécessité de mentionner son nom, dans une situation comme telle, il ne mentionne pas son nom. Mais s'il y a l'occasion de faire les éloges, il mentionne son nom. Pour qu'on sache et qu'on aime encore plus ce sahabi. À notre époque, est-ce qu'on ne trouve pas un peu le contraire? Oui ou non? Je vous donne un exemple. Beaucoup parmi ceux qui ont une maladie au cœur parlent souvent de l'Arabie Saoudite en mal. C'est vrai ou pas? Al-Kaaba, elle se trouve où? Dites-moi. En Arabie Saoudite, fil Mecca. Al-Masjid al-Nabawi se trouve où? En Arabie Saoudite, fil Medina. Elle se trouve en Arabie. Naam. Les lieux les plus saints, les plus historiques, les meilleurs lieux au monde sont en Arabie. Donc nous, on aime ce pays-là. Parce que c'est marqué de l'islam. C'est la source de l'islam. C'est Mahbatul Wahi. C'est l'endroit de la descente de la révélation. C'est l'endroit où il y a les sahaba. C'est l'endroit de la ville du prophète alayhi salatu wassalam. L'endroit où il a grandi, il a marché, il naquit. Où il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un endroit qu'on doit aimer. C'est un endroit où on a secouru l'islam et les musulmans. Lors de certains troubles, Al-Malik, par moment, sortait des millions d'euros. Yani en euros, des millions. Lui seul, des millions. En sadaqa, pour aider les pauvres de pays étrangers. Et ensuite, il disait, celui qui veut faire pareil, qu'il le fasse, jazahullahu khayran. Et les riches d'Arabie et les autres, ils dépensaient des millions. Est-ce qu'on a entendu ça en France? Sur la langue de ceux qui critiquent l'Arabie. On n'entend pas. Par contre, quand il y a un péché, on l'entend ou pas? On l'entend. Ici, dans le hadith, on nous éduque. Le bien, on le propage. Le bien, on le propage. Le mal, s'il n'y a pas de nécessité à le mentionner, on ne le mentionne pas. S'il n'y a pas de nécessité à le mentionner, on ne le mentionne pas. Pareillement pour les ulama. Ils font du bien, et du bien, et du bien, et du bien. Et un jour, ils font une faute. Parce qu'ils sont humains. Et là, tu vois qu'Ahlul Bida. Ils disent, regarde un tel parmi les savants de la sunna. Regarde ce qu'il a dit, regarde ce qu'il a fait. Regarde kada, regarde kada. Subhanallah. Non. Nous, Ahl al-Sunnah, s'il fait une faute, on dit que c'est une faute. S'il fait une faute, les ulama d'Ahl al-Sunnah réfutent la faute, ou même ceux qui sont en dessous de lui. Avec ilm, avec adab, avec hikmah. Et on ne défend pas la faute, mais on maintient le rang du savant d'Ahl al-Sunnah. On maintient le rang des savants d'Ahl al-Sunnah. Alors que Ahl al-Bid'ah, comme Al-Ikhwan al-Muslimin et autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent, et ils se cachent comme le scorpion dans le sable. Et dès qu'il se perd, dès qu'il a la capacité d'attraper sa proie et de la piquer, il le fait. Naam, Ahl al-Sunnah ne sont pas comme ça. Sauf ceux qui sont malades parmi eux. Mais ils ne sont pas comme ça, wallah alhamd. Ajoutons à cela ceux qui mentent sur leurs frères. Ils ne propagent pas leurs vraies fautes, subhanallah, et ce serait haram. Mais ils mentent sur eux. Et ils aiment qu'on propage le mal sur eux, alors que c'est faux. وسيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى الواحد القهار العليم الخبير. Mais ils sont amenés à comparaître devant Allah Azza wa Jalla يوم القيامة, celui qui a tout su, ce qu'ils ont dit dans leur messe basse. Naam, ce qu'ils ont dit en public et le mal qu'ils ont semé sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme sont mauvais les propos que tu as tenus, où sont les croyants qui agissent ainsi dans les assises? Où sont les croyantes qui agissent ainsi dans leurs assises? Lorsqu'on parle en mal d'une sœur fillah, lorsqu'on parle en mal d'un frère fillah, sans une cause valable dans la religion d'Allah Azza wa Jal, où sont ceux qui agissent comme ça? Bi'sa ma qult. Qui dit ça dans les assises au jour d'aujourd'hui? Non, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Après ils vont parler sur moi, après. Subhanallah. Tu as honte d'obéir à Allah Azza wa Jal, tu as honte de défendre l'honneur de ton frère. Ne sais-tu pas que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui défend l'honneur de son frère en son absence, Allah éloignera son visage du feu de l'enfer et mal qiyama. Subhanallah, tu veux pas cette récompense? Hakada, c'est ainsi qu'ils étaient sahaba radiallahu anhum. Ahlu shaja'a. Ils défendaient l'honneur de leurs frères en leur absence. Ils étaient loin de la médisance et du colportage. Puis Mu'ad a fait un témoignage véridique. Il a dit, Wallahi ya Rasulallah. Ou plutôt, Naam, Wallahi ya Rasulallah. Nous ne connaissons de lui que le bien. Yani quand une personne fait une faute, et là-bas, c'est qu'il est sur le bien, on a une bonne opinion de lui, on lui cherche des excuses. Quant à la personne qui ment, ensuite elle dit je m'excuse, ensuite elle rement, ensuite elle dit je m'excuse, ensuite elle rement, ensuite elle dit je m'excuse, mais c'est un menteur. On pense pas du bien de lui. Naam. Il trahit, puis il trahit, puis il trahit, et à chaque fois il vient et dit je m'excuse, je recommence pas. Puis il trahit, Ibn Uthaymin dit lui, il convient pas de l'excuser. Faut prendre son haqq. Pourquoi? Parce que c'est un multirécidiviste. Il joue. C'est un multirécidiviste. On dit pas que celui qui a une faute, même 50 fautes, on dit pas que, on n'accepte pas de lui, c'est Allah qui pardonne. Personne ne peut se mettre entre son repentir. Mais il faut pas le mettre à une place et le voir de confiance dans ce poste-là. Parce que c'est une personne qui triche, qui ment et qui est malade. Par Allah, au messager d'Allah, nous ne connaissons de lui que le bien. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tue. Le prophète sallam, ni il n'a blâmé celui qui a parlé sur Ka'b, ni il n'a blâmé celui qui l'a défendu. Lorsqu'en apparence une personne fait une faute, et qu'il y a une critique à son égard, tu ne viens pas défendre. Par moment, tu ne viens pas défendre. Tu laisses la situation jusqu'à ce qu'il y ait le jugement chez les gens de science. Jusqu'à ce qu'il y ait le jugement chez les gens de science, parce que sa situation est ambiguë. Il n'est pas là, et ceux qui ne sont pas là, la plupart sont des hypocrites. Que penser de lui? Que dire de lui? On s'abstient. On ne se presse pas sur son cas. Mais on pose des questions, ou bien on développe, et son cas sera jugé chez les ulama. Et ça, c'est l'époque de la révélation, n'oubliez pas. C'est l'époque où le Qur'an est révélé. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tue. Lorsqu'il vit apparaître au loin la silhouette d'un cavalier habillé en blanc, en le regardant, il dit « Kun Abu Khaythama ». En le regardant, il dit « Pourvu que ce soit Abu Khaythama ». Pourvu que ce soit Abu Khaythama. Et en effet, ce fut Abu Khaythama. Ce fut Abu Khaythama, Al-Ansari radiallahu anhu. Si vos souvenirs sont bons, qui est Abu Khaythama? On l'a mentionné. Celui qui a donné un sa' en aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala, dont les hypocrites se sont moqués. C'était lui, Abu Khaythama. Il a un peu tardé, puis il a rejoint le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui avait offert une mesure de date en aumône, devenant par cela la risée des hypocrites. Et en quoi est-ce que ça lui a nuit d'être la risée des hypocrites, alors qu'Allah azza wa jalla a vu son action? Alors qu'Allah azza wa jalla est satisfait des sahaba? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam mentionne ces gens-là en bien. Si tu es critiqué par les gens du faux, ça ne te nuit en rien. Mais si tu es critiqué par les gens du vrai, ne dis pas je m'en fliche comme certains font. Non, mais révise ta personne. Elle peut se tromper certes, mais révise ta personne. Le prophète sallam s'est réjoui de voir un compagnon le rejoindre. Et ici, comment le prophète alayhi salatu wassalam a su que c'était lui? Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala nous dit deux choses l'une. Soit, min quwwati firasati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'on traduit al-firasa? Yani, c'est quand tu te dis que ça va être comme ça et ça tombe ainsi. Et en effet, c'est ainsi. Mais je trouve pas le mot en français. Ça, c'est la première explication. Ibn Athaymin, il dit la deuxième. Ça montre que le prophète avait une très bonne vue. De loin. Il a pu distinguer que c'était Abu Khaythama. Ça montre quoi? Qu'il avait une grande force dans sa vue. Parce que de loin, il a pu voir que c'était Abu Khaythama, alors que les compagnons ne l'avaient pas encore distingué. Et du fait que les hypocrites se sont moqués de lui, ça montre que les hypocrites sont une grande nuisance pour les croyants. Sont une grande nuisance pour les croyants. Et s'il y en avait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et que leur naissance a été vue à Médine, sans aucun doute, ils sont présents de nos jours. Et leur but, affaiblir l'islam, diviser l'islam, vaincre l'islam, nuire aux croyants, et ainsi de suite. Quand un mal touche les croyants, ils se réjouissent. Quand un bien touche les croyants, ils ne se réjouissent pas. Et ils ont beaucoup de signes. Allah en a mentionné beaucoup dans le Coran. Allah Azza wa Jalla en a mentionné beaucoup dans le Coran. Le Prophète sallam en a mentionné aussi. Il nous dit, إِذَا حَدَّثَ كَذَبْ. Quand il parle, il ment. إِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. وَإِذَا أَتُمِنَ خَانْ. Quand tu lui confies le dépôt, il trahit. Il parle, il ment. Quand il parle, il ment, c'est un menteur. Quand il donne rendez-vous, au moment même où il te donne le rendez-vous, il a l'intention de ne pas venir. C'est un menteur. Il s'engage, il ne tient pas sa promesse. Pas celui qui a une excuse qui prévient, rentre pas dans ça. Mais volontairement, il a même l'intention au moment même de ne pas tenir sa promesse en général. Quand tu lui confies un dépôt, il trahit. Quand tu confies un dépôt, il trahit. Tu lui as confié ça. Quand tu viens lui demander la restitution, il dit, moi, tu m'as rien donné. Moi, non, jamais. Il ment sciemment. En oubliant qu'Allah Azza wa Jalla l'a vu, l'a entendu. Naam, hakadha barakallahu fikum. Parmi leurs signes, la prière la plus lourde pour eux, c'est le Fajr et l'Isha. Ça veut dire quoi? C'est dire que les cinq prières, elles sont lourdes pour eux. Les cinq prières, elles sont lourdes pour eux. Même s'ils habitent en face du masjid, le Asr, il est difficile pour eux. Le Asr, il est difficile pour eux. L'heure à laquelle les gens sont dehors en général, c'est trop lourd pour eux. Mais la plus lourde, c'est le Fajr et l'Isha. Sinon, toutes les salates, elles sont lourdes pour eux. Ça, c'est un signe des munafiques. Ça, c'est un signe des munafiques. S'il y a une bonne nouvelle pour les croyants, ça les attriste. Ils n'aiment pas, ils ne se réjouissent pas. Et sans cesse, ils pensent comment faire un mal aux croyants. Particulièrement à leur tête, les gouverneurs et les savants. Les gouverneurs et les savants. Puis, ceux qui les suivent, les enseignants, les prêcheurs, et les gens qui travaillent pour le pays au service du peuple, ils complotent contre eux sans cesse. Ces gens-là sont les pires. Et en enfer, on leur a préparé le plus profond. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa rasulahu plutôt innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Certes, les hypocrites seront plus profonds de l'enfer. Certes, les hypocrites seront plus profonds de l'enfer. Parmi les signes des hypocrites, ils se moquent des croyants. Ils se moquent des croyants. S'ils font beaucoup de bien, ils disent c'est pas ostentation. Quand ils font peu, ils disent Allah n'a pas besoin de ça. Subhanallah. Le croyant ne peut pas leur échapper dans leurs critiques, dans leur langue. Donc on doit craindre Allah Azza wa Jalla et chercher en nous. Et si on voit un point, on doit se repentir et demander à Allah de nous purifier, de purifier nos cœurs. Les sahabas avaient peur d'être du nombre des hypocrites. Ils ne proclamaient pas leur pureté, mais ils avaient peur d'être du nombre des hypocrites. Omar ibn al-Khattab, al-Farouq, المبشر بالجنة مرات بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب الفاروق le deuxième calife de l'islam promis au paradis plus d'une fois sur la langue du prophète عليه الصلاة والسلام il attrape حذيفة صاحب السر le confident du prophète عليه الصلاة والسلام celui qui avait la liste des hypocrites et lui dit je te demande par Allah est-ce que le messager d'Allah m'a mentionné est-ce que je suis un hypocrite Allahu Akbar عمر بن الخطاب a peur pour lui. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on va dire, nous? Puis Hudhayfa lui dit non. Et plus jamais je proclamerai la pureté d'un autre après toi. Ils avaient tous peur de l'hypocrisie. Parce qu'ils ont connu la valeur de la foi et du din. Du paradis, de l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a guidé Abu Khaythama. Il a pu rattraper le prophète, alayhi salatu wa salam. Ka'b ibn Malik continua, lorsqu'il me fut rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quitté Tabouk pour rejoindre Médine, je fus très attristé, je songeais à lui mentir. Me demandais comment faire pour échapper à sa colère, consultant les sages de mon entourage. Lorsque l'on annonça l'arrivée prochaine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'abandonnais toute idée de mensonge, puisque je savais que rien ne pourrait me protéger de sa colère. Ka'b ibn Malik nous dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Tabouk et était sur le retour en direction de Médine, je fus très attristé et je songeais à lui mentir, me demandant comment faire pour échapper à sa colère. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais échapper à la colère du prophète alayhi salatu wa sallam? Lui est venu sur le cœur l'idée de mentir. Lui est venu sur le cœur l'idée de mentir. Pourquoi? De peur de recevoir la colère du prophète alayhi salatu wa sallam. De peur que le prophète alayhi salatu wa sallam ne soit pas satisfait de lui. Puis, il est parti consulter Dhawi al-Ra'i, les sages, ceux qu'on consulte, les consultants du peuple. Il leur expliquait, il leur demandait leur avis. Lorsqu'on annonça l'arrivée prochaine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'abandonnais toute idée de mensonge. Et écoutez sa parole, radiallahu anhu. فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اضل قادما زح عني الباطل حتى عرفت اني لم انج منه بشيء ابدا فاجمعت صدقه واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع في ركعتين ثم جلس للناس. Il dit رضي الله عنه, lorsqu'on annonça l'arrivée prochaine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'abandonnais toute idée de mensonge. Puisque je savais que rien ne pourrait me protéger de sa colère. Il fait référence à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le messager d'Allah. Et je cherche son agrément. Mais au-dessus du messager d'Allah, il y a le Seigneur du messager d'Allah. Et si je mens, le Seigneur du messager d'Allah va révéler. J'ai peur qu'il me dévoile. Alors vaut mieux la colère du messager d'Allah avec la véracité plutôt que la colère d'Allah Azza wa Jal qui resterait. C'est ainsi qu'a réfléchi Ka'b ibn Malik et c'est ainsi qu'Allah l'a guidé à la vérité et au bon choix dans cette grande difficulté. Je décidais donc de dire la vérité quoi qu'il arrive. Et ça, ça fait partie des nobles qualités de Ka'b ibn Malik. Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé à la véracité. Arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla à la mosquée, comme il en avait l'habitude après un voyage pour effectuer une prière de 2 rak'ah. Ça c'est la sunna. Quand tu rentres de voyage, tu t'arrêtes à la mosquée. Avant de rentrer chez toi, tu pries 2 rak'ah. Ensuite seulement tu rentres chez toi. C'est la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Après avoir prié, il s'assit à la disposition des gens. Donc la personne de science, la personne qui a une place, il s'assoit auprès des gens, il reçoit les gens, il oriente les gens, il répond à leurs questions, il essaie de leur être profitable, il leur enseigne, et ainsi de suite. Et de cela tu vois la grande valeur des savants, qui sacrifient une grande partie de la vie de famille, et la grande valeur de leurs épouses qui patientent parce qu'on leur enlève du temps, leurs enfants, on leur enlève du temps, tout cela au service de la communauté, pour enseigner à la communauté, pour répondre aux questions de la communauté, pour régler les problèmes de la communauté, ils sacrifient leur vie de famille. Hafidhahumullahu ta'ala wa rahimahum. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Vinrent alors se justifier ceux qui avaient manqué l'expédition de Tabouk, jurant de leur bonne foi. Cela était plus de 80. Leurs excuses furent acceptées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui laissa à Allah le soin de juger ce qu'il y avait dans leur cœur. Qui sont ces gens-là? La plupart des hypocrites. Les hypocrites sont venus voir le prophète alayhi salatu wa salam à la mosquée, Et ils lui ont dit, Wallah, au message d'Allah, moi j'avais telle excuse, moi j'avais telle excuse, moi j'avais telle excuse, Wallah ya Rasulallah, sinon je serais venu. Et toutes sortes de paroles. Qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il a appliqué une règle dans le dîn. Lana al-zahir, Wallah yatawalla sarair. Nous, on prend l'apparence. Et c'est Allah qui jugera l'intérieur. On juge selon ce qui est apparent. Celui qui fait le bien, on pense du bien. Celui qui fait le mal, on pense du mal de lui. On pense du mal de lui. Biljumla. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a accepté d'eux. Naam. Et il a abandonné leur intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit au message d'Allah, istaghfir lana. Demande pardon pour nous, Allah. On a fait du'a pour eux. Mais est-ce que cela leur a été profitable? Non. Celui qui n'est pas véridique, celui qui parle ikhlas, tawhid, ça ne lui est pas profitable que la créature invoque en sa faveur. Ça ne lui est pas profitable que les gens de bien, yani, aient une bonne opinion d'eux. C'est Allah Azza wa Jal qui connaît le contenu des cœurs. C'est pour cela qu'Allah nous dit en Coran, istaghfir lahum, aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marra, falan yaghfir Allah lahum. Demande pardon pour eux. Ou ne demande pas pardon pour eux. Si tu demandais pardon pour eux même 70 fois, Allah ne leur pardonnerait pas. Allah ne leur pardonnerait pas. Naam, ce sont des hypocrites. Puis, vint le tour de Ka'b ibn Malik radiallahu anhu. Je me présentais à mon tour à lui, le saluant, et lui esquissa, il esquissa un sourire qui trahit sa colère, en me disant, viens. Yani tabassama tabassuma al-murdab. Dans le hadith, on nous dit, il a souri le sourire de celui qui est en colère. Je ne sais pas si la traduction ici est bonne, celle qui est dans le livre, mais en tout cas, tabassuma al-murdab, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il sourit, mais en réalité, il est en colère. Il sourit, mais en réalité, il est en colère. Comment est-ce qu'on va savoir si ce sourire, c'est la colère ou autre? Ibn Athaym dit al-qara'in, il dit, c'est les indices. Ici, les indices nous montrent qu'il est en colère contre lui. Tabassum al-murdab. Je peux reconnaître ça, par exemple, par la couleur. Allez, ici, il a le visage rouge, ou bien les signes du visage, ou bien les gestes, ou bien le, yani, froncer les sourcils ou autre. À la kulli hal, Ka'b ibn Malik nous dit, tabassum al-murdab. C'est-à-dire qu'il n'était pas satisfait de lui. Il lui sourit, il n'est pas satisfait de lui. Puis, il dit à Ka'b ibn Malik, Ta'al. Il lui dit, viens. Beaucoup pour dire viens à l'impératif disent Ta'ala. Ta'ala. Il y a une fatha à la fin. Naam. Ou pas. Yani, si tu t'arrêtes, comment est-ce que tu dois dire? Tu dois dire Ta'al. Tu dis pas Ta'ala. Ça c'est une faute qui est souvent commise. Il faut dire Ta'al. Naam, il faut dire Ta'al. فجئت أمشي حتى جلست بين يدي فقال لما خلفك. Il a dit viens. Je vins m'asseoir auprès de lui et il me demanda, pourquoi es-tu resté à l'arrière? N'avais-tu pas de monture? Je répondis, ô messager d'Allah. ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جلد جدلا ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخط ليوشكن الله يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. Ça c'est un passage magnifique. Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, reçoit l'ordre de venir du prophète, alayhi salatu wassalam, et il nous dit, je vins alors m'asseoir auprès de lui, et il me demanda, pourquoi es-tu resté à l'arrière? N'avais-tu pas de monture? Je répondis, ô messager d'Allah, si j'étais face à quelqu'un d'autre que toi, j'aurais trouvé une excuse me permettant d'éviter sa colère, puisque j'ai le don de l'éloquence. Puisque j'ai le don de l'éloquence, mais par Allah, je sais que si aujourd'hui je te mens afin de te satisfaire, il s'en faudra de peu qu'Allah ensuite m'attire ta colère. Il se peut qu'Allah ensuite m'attire ta colère. Mais si je dis la vérité provoquant ainsi ta colère, j'espère par là obtenir le pardon d'Allah. Par Allah, je n'ai aucune excuse. Par Allah, je n'avais jamais été aussi fort et aussi aisé que le jour où je suis resté à l'arrière. Voici le témoignage contre de Ka'b ibn Malik contre Ka'b ibn Malik. Mais en réalité, en faveur de Ka'b ibn Malik, parce que le véridique, il n'est jamais perdant chez Allah. Le véridique n'est jamais perdant chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Athaymin dit, on dirait une grande faïda de ce passage. Il dit, rahmatullahi alayhi, إذا علم الله سبحانه وتعالى حسن النية lorsqu'Allah connaît la bonne intention de son serviteur, il l'éloigne du mal et du fait de tomber dans le mal. Ka'b ibn Malik, avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, un des échappatoires qu'il avait trouvé, c'était quoi? Le mensonge. Il était très éloquent. Naam. Mais Allah Azza wa Jalla a enlevé ça de son cœur, subhanallah. Allah a vu le bien dans cet homme, le bien dans son cœur, la bonne intention. Alors il l'a sauvé d'utiliser le mensonge et il l'a guidé à la véracité. Tout cela est sorti de son cœur, le mensonge, cette tentative, tout cela est sorti de son cœur. Naam. As-sawabiq, celui qui a une bonne biographie chez Allah, qui a fait beaucoup de bien dans le passé, dans le moment dur, Allah l'aide. Allah le secourt, Allah le défend. Allah l'assiste. Allah est avec lui. Subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi ici les éloges de Ka'b ibn Malik. C'est qu'il était très éloquent. Il était fort et il avait des biens. Et c'était un homme qui s'éloignait du mensonge, quitte à recevoir la colère de son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. On tire également de ce hadith la permission de passer le salam lorsque nous sommes debout à celui qui est assis. Car Ka'b ibn Malik lui est venu lui a passé le salam. On tire également de ce passage que la discussion face à face pour blâmer le fautif est abla. Elle est plus touchante. Elle est plus forte que le fait de lui parler de loin. Parce que Ka'b ibn Malik était de loin, le prophète lui a dit « Ta'al », il lui a dit « Viens ». Et ça n'est que face à face qu'il lui a fait des reproches et qu'il lui a parlé. Le but n'est pas de le dévoiler, le but c'est qu'il revienne à Allah. Le but c'est de comprendre, et si on voit un des comportements du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est lorsque tu vois ton frère fauter. Naam, pose-lui la question, cherche à comprendre pour l'aider et le blâmer s'il mérite le blâme. Mais tu dois avoir deux points de vue comme explique Ibn Athaymin. Le premier point de vue, c'est le point de vue du din, de la justice. Il a fait un mal, c'est mal. On dit c'est mal. On débat pas, on polémique pas. On dit le jugement d'Allah sur la personne. Haram, haram. C'est un grand péché, c'est un fasiq. Il se repent, c'est un repenti, alhamdulillah. On dit le jugement qu'il y a chez Allah, sans craindre le reproche de qui que ce soit. Ça c'est la première étape, c'est le regard du din. Mais avec cela, il y a le regard de la rahma, le regard de la pitié, le regard de la miséricorde. Parce que Shaitan a fait tomber notre frère. Et on est triste que notre frère soit tombé. Est-ce que c'est compris ce juste milieu? Ça c'est le juste milieu. Ça c'est le juste milieu. Fait que ton cœur pleure pour ces gens-là. Naam. Et si Allah avait voulu, tu aurais été dans la même situation que lui. Si Allah avait voulu, tu aurais été dans la même situation que lui. Hakada. On ne doit pas se moquer des pécheurs. On ne doit pas se moquer des pervers. On doit avoir mal au cœur pour avoir de la pitié pour eux. Mais on dit le jugement d'Allah en ce qui les concerne. Même le mubtadi', même l'innovateur, on a pitié pour lui. On veut son bien, on a de la miséricorde pour lui. Mais on dit le jugement d'Allah le concernant. C'est un mubtadi', fasiq, dal, mudil. C'est un innovateur, un pervers, il s'est éloigné, égaré. On dit le jugement d'Allah sur lui. On ne prend pas place à ses assises. On ne le prend pas en ami. On avertit contre lui s'il le faut et s'il y a le besoin. On avertit la communauté. On écrit même sur lui. On parle sur lui en se rapprochant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avec véracité, avec science, avec sagesse et avec miséricorde. Pourquoi? Parce qu'en parlant sur lui, il y aura peu de suiveurs. Donc moins de péchés pour lui au Al-Qiyamah. C'est une miséricorde. Et lorsqu'il va voir cela, il va réviser sa personne. Il va se dire, peut-être que je suis dans le mal. Il va venir poser des questions et peut-être qu'il va être guidé par la suite. Ça, c'est le juste milieu. Ça, c'est le juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, a entendu de Ka'b ibn Malik. Il a dit, j'ai pas d'excuse. J'avais la force, la capacité, les biens, les montures. Je suis resté derrière, j'ai pas d'excuse. Il a dit la vérité. Il a dit la vérité. L'enfant qui est convoqué chez les parents, parce qu'il a mal agi, qu'il dise la vérité. Qu'il dise la vérité. Il est convoqué, il sait que le père est colérique. Et que la mère est colérique. Et il sait que s'il dit la vérité, il va être puni. Il va pas sortir quand les autres vont sortir. Je vais pas dire il lui met une fessée parce que, il me semble, c'est interdit en France. Allahu alam, je vais oublier. Non? Donc il va être puni. Qu'est-ce qu'ils font? Peut-être qu'ils mettent les enfants dans la chambre, c'est ça ou là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils le privent d'essai? Des choses comme ça? Tayyib. Donc il est puni. L'enfant, il lui convient d'être véridique et de penser à l'histoire de Ka'b ibn Malik. Et de savoir que s'il ment à ses parents pour chercher leur agrément, il s'en faudra de peu pour qu'Allah Azza wa Jal mette dans le cœur de ses parents la colère contre l'enfant. Et qu'Allah le dévoile. Parce qu'Allah est élevé au-dessus de son trône. Mais il est avec nous de par sa science et sa connaissance, subhanahu wa ta'ala. Il sait tout, rien ne lui est caché. Il voit tout, rien ne lui est caché. Il entend tout, subhanahu wa ta'ala. Donc l'enfant, il doit être véridique. L'épouse doit être véridique. L'homme, il doit être véridique. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Wa kunu ma'as-sadiqin. Et soyez du nombre des véridiques. À la fin de cette histoire, Allah nous dit ça dans le Coran. Donc on retient cette leçon d'ikhlas et de sidq. Tu dis la vérité même si tu penses que tu vas périr par cette vérité. C'est mieux de périr chez les créatures plutôt que de périr chez le créateur. Subhanahu wa ta'ala. Mais on verra qu'en réalité, Allah te frayera une issue. Allah te fraye une issue. T'as compris? Toujours dire la vérité, t'as entendu ou pas? Fais un petit anis. Quant à celui-là, il a dit la vérité. Amma hadha faqad sadaq. Et ça, c'est une grande thèse qu'il y a du prophète alayhi salatu wa salam pour Ka'b ibn Malik. Quant à celui-ci, il a dit la vérité. Contrairement aux autres, les 80, la majorité de ces gens-là qui sont passés avant, c'était des menteurs, des hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quant à Ka'b, quant à celui-ci, il a dit la vérité. Et ça, c'est une grande éloge, un témoignage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Da'hada wa jvesuna. Jves, stakbilni. Quant à celui-là, il a dit la vérité. Lève-toi et attends qu'Allah décide de ton cas. Lève-toi et attends qu'Allah décide de ton cas. On voit ici la grande force de la foi de Ka'b ibn Malik. La grande force de foi de Ka'b ibn Malik. Et la certitude de Ka'b ibn Malik quant au secours et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lorsque le croyant se retrouve dans une situation où il y a deux mal, mais l'un des deux est pire, il doit choisir le moindre mal. Et lorsqu'il y a deux biens et l'un des deux est meilleur, il doit choisir le meilleur des deux. Est-ce que c'est compris? Soit la colère du prophète alayhi salatu wassalam, soit la colère d'Allah. Les deux sont graves, mais la colère d'Allah c'est pire. Alors il choisit la colère du prophète alayhi salatu wassalam et il dit la vérité. L'agrément d'Allah, l'agrément du prophète alayhi salatu wassalam, les deux sont immenses et doivent être recherchés. Mais l'agrément d'Allah prévaut. Na'am. Alors il choisit l'agrément d'Allah et dit la vérité. Quitte à recevoir la colère du prophète alayhi salatu wassalam. À plus forte raison, la colère d'un autre. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Rahimanillah wa iyyak. Tu vois que la personne, elle cherche l'agrément du patron. Il lui dit, porte le cajot d'alcool. Il sait qu'Allah l'a interdit. Il sait que le messager l'a interdit. Et il doit faire un choix, la colère d'Allah ou la colère du patron. Ce à qui Allah fait miséricorde, il choisit la colère du patron. Et il dit, moi, je ne peux porter cela. Pourquoi? Soit elle se justifie, soit elle se justifie pas. Mais il dit, je ne peux pas. Soit tu m'acceptes ainsi, et j'ajoute même des heures de travail et je fais autre chose, soit je ne te ferai pas de reproche si tu m'enlèves ce poste. Et l'ordre est dans ta main. Naam. L'ordre est dans ta main, c'est toi le responsable. Hakada, t'es véridique, t'es franc, t'es un homme. Tu te triches pas. Tu trompes pas. Tu travailles. S'il veut te garder, alhamdulillah. S'il ne veut pas te garder, c'était pas un bien pour toi, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplacera par meilleur. Allah azza wa jal ne t'a pas dit d'avoir peur de ta subsistance dans le Coran, pour ta subsistance. Il t'a dit d'avoir peur de l'enfer. Allah azza wa jal t'a dit de l'adorer. Et c'est lui qui donne ta subsistance. Donc, le reproche, on le fait face à face et on parle en rapprochant la personne. On tire de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout. Et que sa science embrasse toutes choses, même le contenu des cœurs, même ce qui a été fait en cachette. Puis, des hommes de Banu Salima sont venus voir Ka'b ibn Malik. Et ils lui ont dit, par Allah, nous ne t'avons jamais vu commettre un péché avant cela. Or, tu n'as pas su t'excuser comme l'ont fait ceux qui sont restés à l'arrière. Pourtant, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait imploré le pardon d'Allah en ta faveur, cela t'aurait suffi. Par Allah, ils ne cessèrent de me blâmer à tel point que je songeais à aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour revenir sur mes paroles. Vous avez compris la situation? Des gens de la tribu sont partis le voir. Ils lui ont dit, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as pas fait comme les autres? Oh, messager d'Allah, demande pardon pour moi, Allah. J'avais une excuse, kaza. Pourquoi t'as pas fait comme ça? Ça t'aurait suffi, le pardon du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire le dua du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah t'aurait pardonné. Et ils n'ont cessé de lui répéter cela jusqu'à ce qu'il a regretté. Jusqu'à se dire, je retourne voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et je sors de cette grande affliction. Puis, je leur demandais, y a-t-il d'autres personnes dans mon cas? Il y a des gens qui ont été véridiques, qui ont dit, on n'a pas d'excuse. Oui, leur dit-il. Oui, dit-il, deux hommes ont tenu les mêmes propos que les tiens, se sont vus t'offrir la même réponse. C'est-à-dire, lève-toi jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal décrète à ton sujet. Qui sont-ils? Demandais-je. Murara Ibn al-Rabi' et Hilal ibn Umayya, répondirent-ils. Il s'agit de deux hommes pieux au comportement exemplaire. Fihim uswa. Il y a des gens qui peuvent être pris pour exemple. Des gens exemplaires. Qui avaient participé à la bataille de Badr. On voit ici le mérite de la bataille de Badr. Que ceux qui font partie des gens de la bataille de Badr ont une grande valeur chez Sahaba. Leur mention me conforta. Pourquoi? Parce que si tu es dans un groupe et autour de toi c'est des hypocrites et dans le même cas, ça te fait très mal. Mais quand ensuite on te dit, attends, il y a deux personnes pieuses de qui on connaissait que le bien sont dans le même cas. Qu'est-ce que ça fait? Ça te rassure un minimum. Tu dis, ah, subhanallah, je suis pas bien. Mais un tel aussi, mashallah, il est avec nous. Et Annie, t'es pas content qu'il soit dans le mal. Mais c'est un réconfort. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la punition des gens de l'enfer, il leur apprend que ça ne leur sera d'aucune utilité d'être réunis en enfer. Pourquoi? Ibn Uthaymeen dit, aujourd'hui vous allez vous dire, il dit que Ibn Uthaymeen. Et na'am, je dis que Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, et j'en suis fier. Allama, al-faqih, le grand savant, le grand faqih de Ahli Sunnati wal Jama'a, na'am, qui est décédé près de l'an 2000, rahimahullah ta'ala, min ulama Ahli Sunnah. Toutes ces fawid-là, pratiquement, c'est Ibn Uthaymeen. Et on donne le droit au propriétaire. Na'am, et parmi la baraka de la science de la personne, le fait d'affilier les dires à leur propriétaire. Na'am, tout ça ne vient pas de moi. Na'am, vous revenez au charge de Riyad Salihin, et dans d'autres paroles, vous trouverez cela, Inch'Allah. Ibn Uthaymeen explique donc, il dit, que les gens de l'enfer, pourquoi est-ce qu'on leur a dit, walan, ou bien walam yanfa'ukum al-yawma id antum annakum fil adab mujtami'un. J'ai oublié le verset. Et vous sera, ou bien ne vous sera d'aucune utilité le fait d'être dans le châtiment uni. Ibn Uthaymeen dit, pourquoi est-ce qu'on a dit ça? Parce qu'à la base, quand tu es dans un malheur, mais vous êtes plusieurs, ça atténue le malheur. T'es en panne, mais t'es avec tes amis, vous allez en rire, n'est-ce pas? Mais t'es en panne dans une nuit noire, dans une campagne, et t'es tout seul. Wallahi, tu vas pas rire. Sahabalala. Tu vas pas rire. Ou t'es avec des faibles, hein, qui pleurent, ou bien là, qui dit on va mourir, ou là, pourquoi je suis venu avec toi, ou là, des gens qui sont pas sobres, un iman faible, ou bien une femme qui te fait des reproches. Sahabalala. Ça va te faire quoi? Tu vas pas rire. Mais t'es avec tes sahabs, qu'aouil iman, qui ont l'iman fort, et qui vont dire, yani on fait du'a, inshallah Allah yfarj anna, na'am, et qui vont se rappeler tel hadith, tel verset, venez on se rappelle des hadith, kaza, tu te rappelles kaza, tu te rappelles, ils vont discuter, le lendemain ils vont dire, la meilleure nuit de notre vie. La meilleure nuit de notre vie. Ça, oh là là. La meilleure nuit après Mousdalifa par exemple. Quand on dormait par terre, sur le béton, tu te rappelles, ah kaza. La meilleure nuit après la nuit, quand on était avec Shirfoulan, on se rappelait les fawaïd, tadkur, hakada, le malheur, ça devient un plaisir. Quand tu es bien entouré avec un iman, qawi, avec un sabr, wal-ihtisab, bima indallahi subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il a été réconforté. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux compagnons de leur adresser la parole. C'est ce qu'on appelle al-hajr. Al-hajr. Interdit de leur parler, interdit de leur passer le salam. S'ils passent le salam, on leur répond pas. C'est l'ordre de qui? Dites-moi. Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Pourtant, il fait ce qu'Allah ordonne et ce qui est bon et juste et sage. Personne ne leur parle parce qu'ils ont commis une faute grave. Et de cela, les savants ont tiré la permission de faire le hajr aux fautifs. La permission de faire le hajr au fautif pour l'éduquer ou pour se préserver ou pour le punir ou pour. Naam. À tous les trois, mais pas aux hypocrites. Mais pas aux hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit aux autres de nous adresser la parole à tous les trois. Mais pas aux autres qui avaient fait défaut. À partir de ce jour, les gens se mirent à nous éviter ou à changer de comportement à tel point que même la terre ne nous semblait plus être celle que j'avais connue. Allahu Akbar. La terre sur laquelle vous vivez, la terre sur laquelle vous marchez. Il dit, cette terre-là, je ne la reconnaissais plus. Tellement qu'il était mal. Et dans une affliction profonde qu'il ne reconnaissait plus la terre sur laquelle il marchait, la terre qu'il avait connue. Cette situation perdura 50 jours. Est-ce que vous imaginez? Ils leur ont fait le hajr pendant 50 jours. Qu'est-ce qu'il fait le hajr? C'est pas des pervers, des égarés. Hein? C'est pas tu discutes. avec un égaré, il dit alors je te parle plus. Il dit d'accord, bonne nouvelle. On commence quand? Non. Celui qui te parle plus ici, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abu Bakr, c'est Omar, Othman, Ali. واضح عبد الرحمن طلحه الزبير سعيد سعد et les autres compagnons ceux qui ne te parlent plus c'est Muawiya نعم ce sont les meilleurs de l'humanité les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers c'est eux qui te parlent plus ça va te faire quoi wallah tu peux pas dormir une nuit tranquille tu peux pas sortir un jour tranquille c'est sûr que tu es en tort alors quand c'est un autre Subhanallah, des fois l'homme il se fait, ou la femme elle se fait une fatwa. Ils sont 10 contre moi, celui-là sur la vérité, ils sont dans le faux. Hein? Ils connaissent pas ma valeur. Alors je vais chercher des autres qui connaissent ma valeur. Non. Comme certains ils font Ahlul Sunnah. S'éloignent d'eux, ils vont chez Ahlul Bid'ah. A'oudhu Billah. Non. Ahlul Sunnah s'éloigne de toi parce que t'es mauvais. Parce que tu fais du mal. Parce que tu t'éloignes de Manhaj al-Nubuwa. Repends-toi, reviens, excuse-toi. C'est ça le comportement. Naam, que tu restes blâmable chez les gens de la vérité, c'est meilleur que d'être le roi chez les gens du faux. Sahulala. Barakallahu fikum. Amma les faibles, quand Ahl al-Sunnah sont éloignés d'eux, sont partis à Brest, sont partis chez l'autre, sont partis chez l'autre. A'udhu billah min ad-dalal. Un qui s'appelle Hatim, qui enseigne à Stein, je pense qu'il a une école, il est avec nous. Quand il s'est éloigné de la sunna, que les gens de la sunna l'ont blâmé, l'ont critiqué, et que les savants de la sunna l'ont indexé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Nader Abou Anas, il est parti voir Rachid Abou Hudaïfa, il leur a dit, je suis des vôtres moi. Subhanallah, je savais pas que vous étiez bien. Puis il les a mis dans sa poche. Puis il s'est associé à eux dans le batil. Ça, c'est le comportement des gens du faux. Est-ce que Ka'b ibn Malik, il est parti avec les gens du faux? Regardez la suite de l'histoire. Quand les gens du faux l'ont appelé pour lui donner un poste et l'élever, vous allez voir sa réponse. La réponse de ceux qui sont fermes dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette situation perdura 50 jours durant lesquels mes deux compagnons restaient chez eux. Pleurant sur leur sort, tandis que moi, le plus jeune et le plus fort d'entre eux, je sortais prier en compagnie des musulmans. Tu vois la situation, l'affliction du croyant, ce qu'elle peut atteindre. Tellement triste, tellement alourdi par l'épreuve, qu'il sort même plus de chez lui, et il passe ses jours et ses nuits à pleurer. Allahu Akbar. Lui, il dit, moi j'étais le plus fort, j'étais le plus jeune. Je sortais. J'allais à la prière en commun. Naam, j'allais à la prière en commun. Après la prière, j'allais saluer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était aussi parmi ses compagnons. Me demandant ensuite si ses lèvres avaient bougé pour répondre à ma salutation. Allahu Akbar. Est-ce que vous visualisez cette scène ou pas? Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'imam. Après la salat, les gens viennent le voir, ils le questionnent et ainsi de suite. Lui, il vient, il traverse et lui dit assalamu alayka ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne prête pas attention à lui. Lui, il regarde ses lèvres pour se dire est-ce qu'il a bougé les lèvres, au moins pour répondre au salam ou pas. Rasulallah, il ne lui passait pas le salam. Rasulallah ne lui répondait pas au salam. Allahu Akbar. Où sont ceux qui disent vous passez pas le salam à Ahlul Bida, vous répondez pas salam à un tel ou un tel? Alors que le Rasulallah m'a dit, alors ici c'est le prophète Rasulallah. Qu'est-ce que vous allez dire de ça? Hada manhajun nubuwa. Ça, c'est la voie de la prophétie. هذا الذي نحن عليه بحمد الله تبارك وتعالى بيننا وبينكم كتاب الله بيننا وبينكم سنة رسول الله entre nous et les détracteurs il y a le Coran et la Sunna وماذا بعد الحق إلا الضلال. Parfois je priais près de lui, le guettant me tournait vers lui, je me tournais vers lui, il détournait son regard. Ka'b ibn Malik nous dit parfois je priais près de lui, yani je visais cela et je le scrutais. J'essayais de voir s'il me regardait, s'il allait faire quelque chose. Lorsque je me rapprochais des rangs, il me regardait. C'est-à-dire, quand le prophète ne le regardait pas, yani quand lui ne regardait pas le prophète, le prophète le regardait. Et quand lui, il regardait le prophète, en essayant de chercher de l'affection, quelque chose, Ne vois-tu pas lorsque le père dispute l'enfant? Naam. Aujourd'hui, c'est les femmes, elles sont colériques un peu. Quand la femme, elle dispute l'enfant, pourquoi elle est colérique, la femme? Parce que l'homme, il est dehors. Quand il vient l'enfant, il l'a eu qu'une heure. C'est normal, il n'est pas colérique. Ça, oulala. Allez, je creuse le trou et je... Naam, je mets l'échelle avec, qui va avec. On donne une issue, une excuse à la femme. Naam, certains vont dire, c'est vrai, subhanallah, moi je crie jamais, elle crie tout le temps. C'est normal, je crie jamais, c'est pas toi qui t'en occupe. C'est en bas, tu cries tout le temps, c'est pas toi qui allaites. Tu cries jamais, c'est pas toi qui allaites. C'est pas toi qui te lèves la nuit. Naam, sauf pour aller aux toilettes, peut-être, il va dire. Hein? Hakada barakallahu fikoum. La femme, elle allait. La femme, elle a accouché. Mada, la femme, mada, elle peut plus sortir. La femme, elle ne peut pas aller à l'invitation, elle a trop d'enfants. Interdiction des enfants dans telle invitation. Naam, quoi encore? La femme, celle qui prépare à manger, donc elle n'est pas prête. La femme, c'est normal, elle est plus colérique que l'homme. Parce qu'il y a toute cette pression. Ensuite, il faut lui apprendre le Coran, faire réviser le Coran. Ensuite, il a l'âge d'apprendre l'arabe, puis le français. Naam. Puis les lettres, puis... Ça, oh là là. Tout ça, c'est sur le dos de qui? Cette miskina. Hein? Cette pauvre femme. Ensuite, lui, vient, il fait la muradia. Puis il dit, mashallah, mon fils, il connaît nisf le Coran. Et il ferme la parenthèse. Il dit pas, c'est pas moi, je lui ai appris. Moi, j'ai juste fait la muradia de temps en temps, en buvant mon verre d'eau frais qu'elle m'a posé. Ça, oh là là. C'est comme ça ou pas, Souleymane? Hein, tu dis oui, hein, tu peux pas dire non. Allah fadak. As-Allah ayy yarzuqaka ikhwatan wa akhawatin salihin. Allah t'accorde des petits frères, des petites sœurs pieuses, Souleymane. Donc, la femme est en colère contre l'enfant. Elle lui dit, tu me parles plus. Ça fait 5 fois que je te dis de ne pas faire ça. Non, 3 fois que je te dis de ne pas faire ça. Elle n'a pas la patience jusqu'à 5, 3. Et tu le refais, et kada, et kada. Plus le deuxième enfant, plus le troisième enfant. À la fin, il dit, tu ne me parles plus. L'enfant au début, il dit, khair inshallah. Il fait le fort. Ensuite, il se souvient qu'il a faim, il se souvient qu'il a soif, il se souvient qu'il veut aller jouer au jardin, il veut prendre la balle, et tout ça, ça passe par la mère. Ça, oh là là. Alors, il commence à voir que sans la mère, c'est nul. Ça, oh là là. C'est nul sans la mère. Quand la mère est en colère, c'est nul. On peut pas plaisanter. On peut pas demander plus de fruits, de kada. C'est nul sans la mère. Alors, il commence à aller vers la mère. La mère, elle le pousse. Mais elle est trop faible. Lui, il sait qu'elle va dire, c'est bon, viens. Naam. Et si c'est le père qui a puni, il sait qu'elle va lever la punition du père. Ça, oh là là. Mais, lui, il la regarde, il essaye de sourire, de la faire rire, il essaye de trouver une porte. Parce qu'il y a cette rahma qu'il connaît. Ka'b ibn Malik, il regarde le prophète sallam. Il essaye de voir cette rahma qu'il lui connaît. Il essaye de lui passer le salam. Il essaye d'entendre son salam. Il essaye de trouver une faille. Mais le prophète sallam ne laisse rien paraître. Le prophète sallam, pour une grande sagesse, ne laisse rien paraître. Ce comportement des musulmans de mon encontre commença à peser sur moi. Tous les musulmans ne me parlent pas. Tous les musulmans ne me répondent pas au salam. Un jour, plein de lassitude, je me rendis chez l'un de mes cousins et l'un des hommes les plus chers à moi. C'était son meilleur ami, son cousin, Abu Qatada. Je montais sur le mur de mon jardin, de son jardin, et je lui adressais un salut. Assalamu alayka ya Abu Qatada, par exemple. Il a escaladé le muret et il lui a passé le salam. Par Allah, il ne me répondit même pas. Pourquoi? Ici, on voit la soumission des compagnons devant les ordres du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne parle à ces trois. Wallahi, même son cousin ne lui a pas parlé. Son meilleur ami ne lui a pas parlé. Il n'a pas dit, oui, mais quand même, oui, mais il est trop dur, oui, mais... Subhanallah, non. Je lui dis, Zala, ya Abu Qatada, ya Abu Qatada, oh Abu Qatada, oh, par Allah, je te demande par Allah, ne connais-tu pas mon amour pour Allah et son messager? Il ne me répondit pas, et je réitérai plusieurs fois ma demande, jusqu'à ce qu'il réponde, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Fafadat aini. À ce moment-là, mes larmes ou mes yeux débordèrent de larmes. Son meilleur ami, qui a embrassé l'islam avec moi, on est rentré dans l'islam, on a les meilleurs moments ensemble, on a les meilleurs souvenirs ensemble. Je lui dis, ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager? Il me dit, je ne sais pas. Allah wa Rasulu a'lam. Ici, une question. Le prophète ne leur a-t-il pas interdit de répondre, de leur parler et de leur répondre? Est-ce qu'Abu Qatada ici a fait une faute ou pas? Abu Qatada, il n'a même pas répondu. Il lui a rien dit qui allait amener son réconfort. Il a dit Allah wa Rasulu a'lam. C'est comme s'il ne lui avait pas répondu. C'est comme s'il ne lui avait pas répondu. Ka'b ibn Malik, devant cette grande tristesse, il a pleuré. Vous vous souvenez de sa description? Jeune et fort. Est-ce que le jeune et le fort peut pleurer? Est-ce que les hommes forts pleurent ou pas? Ou non, dites-moi. Est-ce qu'il y a plus fort que le prophète sallam? Qasem pleurait. L'homme fort et jeune peut pleurer. Lors de situations, il peut pleurer. Le prophète a pleuré lorsqu'Ibrahim est décédé. Lorsque son petit-fils est décédé. Non. Il a pleuré pour sa communauté de peur de l'enfer pour eux également. Il a pleuré par crainte d'Allah Azza wa Jal. Il a pleuré par miséricorde pour la communauté. Et ici, Ka'b ibn Malik pleure de la grande tristesse de cette situation et la difficulté de cette situation. Mes yeux se remplirent alors de larmes et je tournais les talons, escaladant à nouveau le mur pour partir. Tandis que je me promenais dans le marché de Médine, j'entendis un Nabatéen venant du Cham afin de vendre de la marchandise à Médine crier « Qui m'amènera jusqu'à Ka'b ibn Malik ?» Un homme du Cham était à la recherche de Ka'b ibn Malik. Il avait un message pour lui. Les gens le menèrent jusqu'à moi. Et lorsqu'il m'eut rejoint, il me remit une missive du roi de Rassan. Vous imaginez la situation? Personne ne te parle. Tes compagnons sont éloignés de toi. T'es triste. T'es malheureux. Et tu reçois une lettre d'un roi. Il lui remet la lettre. Comme je savais lire, je lus le message qui était le suivant. Il y avait beaucoup d'illettrés. Mais lui était lettré. Et il nous est parvenu la nouvelle selon laquelle ton compagnon s'est détourné de toi. Or Allah ne t'a ni humilié ni abandonné. Rejoins-nous donc et nous dissiperons ta peine et te rendrons ce que tu as perdu. Vous imaginez l'épreuve? Nous te rendrons ce que tu as perdu. Après avoir lu cette lettre, je me suis dit, wa inna hadha aydan min al-bala. Je me suis dit, et cela fait également partie d'une épreuve. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est passé près d'un four, il a jeté la lettre dans le four. Il a jeté la lettre dans le four. Allah Azza wa Jalla l'éprouve. Il l'éprouve pour encore plus l'élever. Il l'éprouve pour que la délivrance soit encore plus grande. Pour que la délivrance soit encore plus grande. Pourquoi est-ce qu'il l'a jeté? Premièrement, est-ce qu'il a répondu à leur appel? Non, il n'est pas parti avec les gens du faux parce que les gens de la vérité se comportent ainsi avec lui. Mais il est resté avec la vérité, même si on ne lui parle plus. Même si on ne lui parle plus. Wa'adah? Pourquoi est-ce qu'il a jeté la lettre dans le feu? Ça, c'est une grande sagesse. Celui qui est éprouvé, quand il peut sortir de l'épreuve, il faut saisir l'occasion. Et il ne faut pas garder une cause qui permettrait de retomber dans la chose. Par exemple, un homme était dans un travail avec du haram. Il ne savait pas qu'il y avait du haram. Il a travaillé, un jour il voit qu'il y a du haram. Il arrête parce qu'il est obligé de toucher le haram. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il garde le numéro de l'entreprise. Vous me suivez ou pas? Il garde le numéro. 3 mois plus tard, il ne retrouve pas de travail, il est dans la pauvreté, il est éprouvé. Il est dans son téléphone, il trouve le numéro. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être tenté de rappeler ou pas? Il va être tenté de rappeler. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il sort du travail, avant même de rentrer monter dans sa voiture, il prend son téléphone, il efface le numéro. Il efface l'adresse. Pourquoi? en cas de faiblesse future, il ne peut pas retourner dans ça. Vous avez compris? Il a le numéro d'une femme qui ne lui est pas, yani qui est pas, il n'est pas son mahram pour elle. Et à l'école, il avait son numéro, il n'était pas guidé. Puis il a connu le dîn, il a connu les comportements, il a connu la piété. Puis il est sorti du lycée. Comme il est parti étudier plus loin, il a perdu de vue ces gens-là, qui étaient dans sa classe. Mais il a ces numéros-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il efface tous les numéros qu'il n'a pas le droit d'avoir. Plus tard, sa foi faiblit. Et il veut reprendre contact avec certains gens. Et il ne retrouve plus le numéro. Puis sa foi augmente. Il dit, Alhamdulillah, je n'avais pas le numéro. Son ami, lui, a gardé le numéro. Quand elle a faibli, il a téléphoné. Quand elle a téléphoné, il a aimé. Quand elle a aimé, ils se sont rencontrés. Quand ils se sont rencontrés, ils ont péché. Pourquoi? Il n'a pas jeté la missive dans le feu. Et il n'a pas jeté le numéro dans le feu. Donc, il faut couper les causes qui peuvent mener au péché. Ça, c'est une grande leçon, ça. Ça, c'est une grande leçon. Faut pas dire, non, mais moi, j'ai confiance en moi. Non, mais elle est pure, ou elle a une bonne intention, mais c'est comme ma petite sœur. Mais c'est comme kada, mais c'est comme kada. Non. Qala Allah, qala Rasulullah, on s'arrête là. Barakallahu fikum. Tandis que cela faisait maintenant 40 jours que je subissais cette épreuve, sans qu'aucune révélation ne fût descendue à mon sujet, un émissaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint me dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de te séparer de ton épouse. Vous vous souvenez de la description de Ka'b ibn Malik? Il est comment et comment? Il est jeune et il est fort. Quand la personne est jeune et fort, elle a beaucoup de besoins. Et le prophète, on lui a donné la force de ton 30 hommes. Le prophète avait la force de 30 hommes. Naam. Donc c'est une grande épreuve pour Ka'b ibn Malik. Mais écoutez la soumission qu'il avait. Et comment il était rapide, subhanallah, dans la réponse. Savez-vous ce qu'il a répondu? On lui a juste dit, éloigne-toi de ton épouse. Il a dit, au talliquha, dois-je la divorcer? Directement, dois-je la divorcer? Si Allah me dit de la divorcer, je la divorce tout de suite. Ou bien après ses menstrues ou kada, selon les conditions, je la divorce tout de suite. Alors que certains divorcent la femme 3 fois, et après ils restent avec cette femme qui ne lui est plus licite. Et ils cherchent des fatawas, et ils cherchent des excuses, et ils cherchent, et ils cherchent. Ou bien l'homme, il arrête la salat. Oui, il arrête les adorations, et il va dans le haram. Et la femme, elle dit, oui, mais c'est le père des enfants, oui, mais kada, subhanallah, tariq al-salat. Et elle cherche une excuse, puis une autre excuse, puis une autre excuse. Là. Puis il fait grandir ses enfants dans le fisq et dans le haram. Non, il faut répondre à l'appel d'Allah et du messager, être ferme dans cela. Être ferme dans cela. 40 jours d'épreuve sans révélation. Puis du 40e jour au 50e jour, une épreuve en plus, éloignez-vous de vos épouses. Dois-je la répudier? Demandai-je. Non, éloigne-t'en et ne l'approche point. On voit ici comment étaient les émissaires du prophète et les compagnons. Dois-je la répudier? Il n'a pas dit je crois que je... Non, il lui a dit, le prophète m'a dit ça. Quand tu transmets, faut être fidèle à la parole. Faut pas donner tes explications à toi. Les ulama font des fatwas, ouais, tu trouves des gens qui prennent la fatwa. Oui, mais le shir voulait dire. Oui, mais le shir pas au courant de ça. Oui, mais kada. Et je dakhlek ent. Pourquoi tu parles, toi? T'es le shir? Non. Si c'est pour toi, tu transmets et t'as même un audio. Vous avez remarqué ça? Ils ont toujours un audio quand c'est pour eux. Hein? Et quand c'est contre toi, il est où l'audio? Non, mais, subhanallah, tu prends pas la parole du musulman de confiance ou quoi? T'as des problèmes dans ton manhaj, toi. Naam. Ensuite, quand tu lui dis, j'ai entendu Shir dire ça, il dit à l'audio. Subhanallah, tu prends. Et toi, tu prends pas la parole du musulman de confiance? Ça, oh là là. Yatala'aboun, il joue avec la religion. Et il joue avec la religion. Et pour eux de dire, je me suis trompé, ou mon Shir s'est trompé, c'est trop difficile. Innaul kibr. C'est l'orgueil, le fait de ne pas accepter la vérité. Ka'b ibn Malik a dit à son épouse, rejoins ta famille jusqu'à ce que le jugement d'Allah nous parvienne. Allahu Akbar. Rejoins ta famille jusqu'à ce que le jugement d'Allah nous parvienne. Et eux, c'était sahaba, ils ne jouaient pas avec les femmes. Il l'épouse, la divorce, il ne fait pas attention. Non, la femme, elle avait une grande place. Donc s'il lui dit ça, c'est une soumission totale à l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'épouse de Hilal ibn Umayyah, elle vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, Hilal ibn Umayyah a besoin de quelqu'un pour le servir. Or, il ne possède aucun serviteur. Y vois-tu un inconvénient si je reste pour le servir? Hussein a dit non. Mais qu'il ne t'approche point. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit au rapport. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Elle lui a dit, Wallah, il n'a plus envie de rien et ne cesse de pleurer. Depuis que cette épreuve a débuté, dit-elle. Certains de mes proches me dirent, et si tu demandais au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la permission de garder ton épouse, pour qu'elle s'occupe de toi? De cela en tire quoi? Que la femme, chez elle, elle s'occupe de qui? De ses enfants seulement? Elle s'occupe de qui la femme? Elle s'occupe de son mari. Tahdum zawjaha. Sahablala. Tahdum zawjaha. Ici, on lui dit, pourquoi tu ne demandes pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ton épouse reste auprès de toi pour qu'elle t'khdam? Et l'épouse de Hillel, elle vient, elle dit, est-ce que tu me permets de rester auprès de lui pour l'khdam? C'est bana, c'est adi. C'est la base, c'est normal. C'est la base, c'est normal. Waveh. Fin de la polémique. Et si tu demandes au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la permission de garder ton épouse pour qu'elle s'occupe de toi? On ajoute une chose, rouvre la polémique, qui n'en est pas une. Parce que ici, les femmes, tous sont d'accord sur cela. Inch'Allah. Naam. Le prophète sallam a rencontré la tante de Ukashat ibn Muhsan. Elle lui a dit, Adatu Baal, est-ce que tu as un époux? Elle a dit oui, je suis mariée. Elle dit, comment tu es avec ton époux? Elle lui a dit, moi, je ne laisse pas une chose qu'il aime de moi sans le faire, tant que je peux. Autant que possible. Il lui a dit, malgré ça, fais bien attention à ton comportement envers lui. Car c'est ton paradis ou c'est ton enfer. Que la femme fasse ce qu'elle veut. Allah est parfaitement connaisseur de ses agissements. Qu'est-ce qu'il a répondu Ka'b ibn Malik quand lui a dit, mais Hilal, pourquoi tu fais pas comme la femme de, comme Hilal? Il a permis à son épouse de rester auprès de lui pour leur dame. Non, je ne demanderai pas une telle chose au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui pourrait d'ailleurs me garantir qu'il accepterait, étant donné que je suis un jeune robuste. C'est-à-dire que les autres, eux, ils étaient plus âgés. Donc moins de besoin à la femme dans le lit, et plus besoin de la femme pour prendre soin d'eux dans le khidma. 10 jours passèrent. Donc combien de jours sans l'épouse? Yani combien de jours avec l'hajr? 50. Combien de jours avec l'hajr? Yani plutôt, naam, avec l'hajr, et en plus de la séparation, de sa séparation avec l'épouse. 10. 10 autres jours passèrent. Ce qui ramène à 50 le nombre de jours depuis lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné qu'on ne nous adresse plus la parole. Au matin du 50e jour. Allahu Akbar. Wallah, ibtila'un azim. C'est une grande épreuve, wallah. Au matin du 50e jour, je priais la prière du Fajr sur la terrasse de l'une de nos maisons. Puis je m'assis, souffrant de la peine décrite par Allah. Allah dans le Coran a mentionné cette histoire. Naam. Toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne. حتى إذا ذاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. Soudain, donc 50 jours sont passés, c'est la fin de la prière du Fajr. Il est assis sur le toit d'une de leurs maisons. Soudain, une voix forte se fit entendre provenant du mont. فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى عنها قد ضاقت علي نفسي وذاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع سلع سين مونتاني دو مدين يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس مبشروننا فذهب قبل الصاحبين مبشرون وركض إلي رجل فرس وسعى ساع من أسم من أسلم قبلي وأوفى على الجبل فكان صوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته ما إياه ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنه. Une voix forte se fit entendre provenant du mont Sala et prononçant ces mots: Ô Ka'b ibn Malik, reçois la bonne nouvelle. Dès qu'il a entendu ça, il nous dit: je tombais prosterné car j'ai su que l'heure de la délivrance était venue après 50 jours. Il a juste entendu Ô Ka'b ibn Malik, il est tombé prosterné. Et de cela on tire quoi? Le caractère légiféré de faire sujoud al-shukr, la prosternation de la reconnaissance envers Allah quand on a bien fait. Naam, quand on a un bien fait. Incha'Allah ta'ala, le jour où on finit la sirah, naam, si Allah azza wa jalla me garde en vie, me facilite les moyens, je vais aller prendre deux moutons bi'idhnillah ou deux agneaux à votre goût. On va sacrifier deux bêtes, on va faire une walima incha'Allah au masjid. Naam, pour remercier Allah Azza wa Jal qui nous a permis d'étudier As-Sira, alors qu'il n'a pas accordé cela à bon nombre de ses serviteurs. Certains se sont détournés de l'étude de la Sira. Certains ont assisté à certains cours puis ils ont abandonné. Certains ont reçu des shubuhat, ils ont abandonné. Et d'autres ont été là du début jusqu'à la fin. D'autres sont venus en chemin. Comme Abu Khaythama a rejoint le prophète alayhi salat wa salam, et il a fini, il est revenu avec eux. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous garde en vie, qu'il nous permette de finir la sirah et de continuer encore beaucoup. Innahu sami'un mujib ad-da'awat. Ka'b ibn Malik nous dit: je tombais prosterné tant, yani, car j'ai su que l'heure de la délivrance était venue. En effet, après la prière du Fajr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé aux gens qu'Allah avait accueilli notre repentir. Et les gens vinrent alors nous annoncer cette bonne nouvelle. Après la prière du Fajr, le prophète sallam a reçu la révélation, ou bien a transmis la révélation qu'il avait reçue de la part d'Allah. C'est qu'Allah a accepté le repentir de Ka'b ibn Malik, de Hilal et de Murar. Naam, Allah a accepté leur repentir. Ils se sont repentis. Ils ont été prouvés. Ils ont réussi leur épreuve. Et en plus de cela, Allah azza wa jal les a mentionnés dans le Coran, a fait leurs éloges dans le Coran, et on lit cela jusqu'à Qurbi Qiyam al-Sa'a. Les gens sont donc partis les voir pour leur annoncer la bonne nouvelle. On tire de cela le caractère légiféré d'annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Bashirul, le prophète dit annoncer la bonne nouvelle. Naam, annoncer la bonne nouvelle, c'est une sunnah. Faire entrer la joie dans le cœur du croyant, c'est une sunnah du prophète alayhi salatu wa salam. Il aimait cela, il encourageait à cela. Donc ils se sont concurrencés à qui le premier donnera l'information? À Ka'b. Vous imaginez la situation? Subhanallah. Imaginez une personne qui travaille et qui veut s'inscrire pour le Hajj. Mais elle n'a pas ses vacances. Alors elle pose des vacances. Et ils sont 10, il n'y en a que 2 qui peuvent prendre des vacances. Non, il n'y en a que 2 qui peuvent prendre des vacances. Et lui, son jour de repos, c'est le Jum'a. Comme ça, il vient au Jum'a, ça va être le Jum'a. Ses collègues de travail, à la réunion, ou bien à la, yani au début, avant de travailler, ils se réunissent, et disent, bon, on accorde les vacances à Mohamed ibn Abdillah, foulan. Au Havar, ça c'était le vendredi matin. Elle a le droit de travailler. Abdullah, il était là le vendredi matin. Parce que lui, il arrête, il travaille jusqu'à midi. Évidemment, parce qu'il y a Jum'a. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a 3 musulmans, 7 kafirs. Abdullah et Hamza, ils ont entendu. Et Abdullah, il dit au responsable, excusez-moi, je peux sortir une seconde? Et Hamza, il entend ça, il dit, excusez-moi, je peux sortir une seconde? Et les deux, ils sortent, et les deux, ils prennent leur téléphone. Et les deux, ils essayent d'appeler Mohamed ibn Abdillah. Et ils lui disent, Abshir, réjouis-toi, t'as eu tes vacances. Et lui, il fait un soujou, il dit, Alhamdulillah, je vais faire le hajj. Wadih. Ou bien, son père a une amaliya, une opération. Et il y a des risques. Et le médecin et le corps médical, par la grâce d'Allah, réussissent cette opération. Et on n'a pas le droit d'entrer dans ces endroits-là. Ah, et lui, il aura le droit de venir qu'à partir du lendemain à telle heure. Le chirurgien sort et tous se concurrencent pour donner l'information au fils. Tout cela, c'est un excellent comportement. Tout cela est un excellent comportement. Voilà. Donc on annonce les bonnes nouvelles aux croyants, on fait rentrer la joie dans le cœur des croyants. Wahakada. Lorsque l'émissaire arriva près de moi, avant ça, des émissaires salèrent informer mes deux compagnons. Pour moi, la voix provenant du mont Sala fut plus rapide que le cavalier venu m'informer. Deux hommes, particulièrement, sont partis à toute vitesse. Un a enfourché sa monture, ou a pris sa monture, il galopa vers la maison de Ka'b ibn Malik. Un autre a couru vers la montagne et il a crié. Ka'b ibn Malik dit, la voix a dépassé le cavalier. Quand le cavalier m'est venu, il m'a annoncé la bonne nouvelle. Je lui fis don de 2 vêtements que je portais. Imaginez que j'ai ce qamis là et je sais sarawil là. Sarawil, c'est un singulier. Imaginez que j'ai ce qamis là. Le pluriel c'est Qumsan, Aqmisa. On ne dit pas des Qamis, c'est pas un Kaf, c'est un Qaf. Un Qamis et des Qumsan ou bien des Aqmisa. Non, un Qamis et des Qumsan ou bien des Aqmisa. Et ce que j'ai là en dessous, ce que porte le frère, ça s'appelle un Sarawil. Ils appellent ça le pantalon maghribi. Un Sarawil, c'est le singulier. Et Sarawila, c'est le pluriel. Wadih? Tayyib. C'est pas Sirwal le singulier, c'est Sarawil, comme on a étudié. Savez-vous ce qu'il a fait? Ka'b ibn Malik, lorsque cet homme a frappé chez lui, il a donné cette nouvelle-là. Ou est venu près de lui, il lui a donné cette nouvelle. Il a enlevé son vêtement, il lui a donné fi sabilillah. Écoutez la suite. Il dit, Wallah, à ce moment-là, c'était les 2 seuls vêtements que je possédais. Mais tout le reste, c'était par exemple bas de gamme. Les seuls bon vêtement qu'il avait, il lui a donné. Celui qui te donne une bonne nouvelle, tu lui offres quelque chose. Celui qui te fait un bien, tu le dédommages. D'accord? Celui qui fait un khair, donne-lui quelque chose. Donne-lui quelque chose. Naam? Et ça, c'est une sunna que les awam, ils connaissent mieux que nous. C'est une sunna que les gens de la masse connaissent mieux que nous. Des fois, même une brique de lait, ils la donnent. Même une brique de lait, ils la donnent. Naam? Même une brique de lait, ils la donnent. Hakada, tu donnes quelque chose. Il te fait un bien, tu donnes quelque chose. Il te rend un service, tu donnes quelque chose. À hauteur de ta capacité. J'empruntais alors 2 vêtements que je portais avant de me diriger vers la mosquée. Il a emprunté une autre tenue pour aller au masjid. Ça fait 40 jours, puis 50 jours, il sort. À votre avis, il est sorti. La première chose qu'il est parti faire, c'est quoi? Non. La première chose qu'il est parti faire, c'est quoi? Premièrement, le lieu. À votre avis, le lieu, après 50 jours, il va aller où? Fil masjid. À la mosquée. D'accord. Voir qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Après 50 jours, personne ne te parle. La première chose que tu vas penser faire, c'est quoi? Lui, il va aller voir sa mère. Lui, il va aller voir son père. Lui, son meilleur ami. Lui, son épouse. Ça, oulala. Ça fait 10 jours, son épouse allait chez ses parents. Il sort, il n'y a même pas la mention de son épouse dans l'histoire. Il n'y a même pas la mention de ses parents dans l'histoire. Peut-être qu'il avait des enfants. Il n'y a pas la mention des enfants. Écoutez ce qu'il dit. J'empruntais alors deux vêtements que je portais avant de me diriger vers la mosquée. Vers où? Vers la mosquée. Afin d'y retrouver le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'amour qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 50 jours. Dans l'épreuve, la première chose qu'ils pensent à faire, je vais à la mosquée, je vais voir le mon bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Sur la route, je croisais des gens qui me félicitaient. Ça, c'est encore un autre comportement. C'est que quand une personne se repent, quand une personne revient au bien, quand une personne elle reçoit une bonne nouvelle, on se réjouit pour elle. On la félicite. Pas comme certains qui ont une maladie au cœur ou bien les hypocrites. Quand un bien touche les croyants, ils sont pas contents. Il réussit son examen, il n'est pas content. Il a appris du Coran, il n'est pas content. Il est imam, il n'est pas content. Il a de l'argent, il n'est pas content. Il se marie, même ça, il n'est pas content. Subhanallah. Il a un enfant, même ça, il n'est pas content. Quel que soit le bien, le munafiq et celui qui a une maladie au cœur, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il va apprendre auprès des savants, il va visiter les savants, il n'est pas content. Non, mais il va voir les savants, c'est pour... Quoi par exemple? Pour comploter, pour... Subhanallah, il va voir les savants pour compléter, pour comploter. Mashallah, le frère fait des sadaqas. Non, c'est pour qu'on dise de lui qu'il est généreux. Mashallah, cette parole, elle, c'est la parole des munafiq, akhi. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais il aime... Kada, kada. Toi, t'aimes quoi, toi? Il veut se marier, avoir des enfants. Toi, tu veux quoi? Pas une femme? Tu veux quoi? On ne peut même pas dire l'autre. Il travaille, il a de l'argent. Tu veux quoi? Tu veux qu'il soit pauvre, qu'il tende la main? Mais toi, tu donnes pas, toi. Si on donne, tu dis qu'on donne pour l'ostentation. Tu veux qu'il meure de faim ou quoi? Khali, il travaille. Plus que de faire une aumône, c'est être ostentateur. Laisse-le au moins, il travaille. Non. S'il est pauvre, il dit, il fait que tendre la main. S'il est riche, il dit, il pense qu'à l'argent. A'ouzou billah min sharrihim. Le prophète sallam a dit, oh vous qui avez eu la foi en apparence mais dont la foi n'a pas pénétré les cœurs, ne suivez pas la vie privée des musulmans. Car celui qui suit la vie privée des musulmans, Allah suit sa vie privée. Et celui à qui Allah suit la vie privée, le dévoile même au sein de son foyer. Même au sein de son foyer. Certaines personnes qui parlaient sur les autres de jour comme de nuit, qui mentaient, qui colportaient. Subhanallah, Allah, comment il les dévoile? C'est qu'il s'échange des SMS en privé, entre hommes du mal, et l'un il se trompe. Et lui, non, il lui dit quoi? Il lui dit, il lui envoie, ensuite il dit, lis et efface tout de suite. Vous savez ce qu'il fait? Il lit, il l'envoie à notre ami. Il lui dit, lis et efface tout de suite. Le troisième, il dit, il envoie un autre, il lui dit, lis et efface tout de suite. Ensuite, l'autre, il se trompe, il envoie un qu'il faut pas envoyer. Le cinquième, il appelle le premier, il lui dit, pourquoi t'as dit ça? Il dit, comment t'as su? Il dit, c'est lui. Il lui dit, pourquoi t'as dit ça? Non, mais wallah, je me dis, d'effacer après. Comment, ça rentre dans ça. C'est qu'Allah Azza wa Jal les dévoile. C'est qu'Allah Azza wa Jal les dévoile. Ou bien, jure, wallah, j'ai pas fait ça. Wallah, j'ai pas dit ça. Ensuite, c'est enregistré, tu l'entends, il dit ça. Subhanallah. A'oudou billah min al-khudlan. Wa yatoub Allah ala man tab. Qu'Allah nous pardonne. Et Allah, il accepte le repentir. Mais ça fait partie de ce qu'on a mentionné ici. Sur la route, je croisais des gens qui me félicitaient en disant que l'acceptation de ton repentir par Allah soit pour toi une bénédiction. Jusqu'à ce que j'entre à la mosquée où je trouvais le messager d'Allah entouré de gens. Vous imaginez l'homme qui voyage pendant 50 jours, loin de sa femme et de ses enfants, Il est jeune, il est fort, comme a dit Ka'b de lui-même. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, quand il décrit le paradis, il fait une corrélation entre ça. Il dit l'homme, après un long voyage, il revient à son épouse. Il dit, que pensez-vous de leur rencontre? Mais nous, on va plus loin. On dit l'homme, il rencontre l'homme qu'il a aimé le plus au monde. Plus que ses parents et toute sa famille. Il donnerait sa vie en rançon pour lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, jusqu'à ce que j'entre à la mosquée où je trouvais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, entouré de gens. Talha ibn Ubaidillah se leva et se précipita pour me prendre dans ses bras et me féliciter. Ça, c'est un comportement Allahu Akbar. Vous imaginez, on est tous assis comme ça et la scène arrive et il n'y a que Ammi Larbi qui se lève, il l'attrape, il le prend dans ses bras et il le félicite. Et nous tous, parmi les habitants de la Mecque, on reste assis. Parmi ceux deux, Naam de la Mecque. Parmi les Muhajirin, il n'y a que Talha qui s'est levé. Que Talha s'est levé, il est parti, il l'a embrassé, il l'a félicité. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur lui? Ka'b nous dit, ça fait plus de 2 heures et j'ai lu que en français. Vous imaginez si j'avais lu les pages en arabe? C'est très très long. Qu'Allah vous accorde patience et grande récompense. J'aurais pensé que la moitié de ces centaines-là seraient parties, mais jazakumullahu khayran. Il vous tient à cœur d'entendre la fin de l'histoire, probablement. Talha ibn Ubaidillah se leva et se précipita pour me prendre dans ses bras et me féliciter. Et Allah est témoin qu'il fut le seul émigré, le seul parmi les muhajirin, les habitants de la Mecque qui ont fait l'hijra, à avoir agi ainsi. Ka'b n'oublia jamais ce geste de Talha. La reconnaissance, les frères. Quand une personne nous fait un bien particulier, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Il y a un richissime homme qui dans sa jeunesse était très pauvre. Un jour, il est parti au magasin pour acheter une chose et ses camarades ont pu l'acheter. Lui, il était très pauvre. Imaginez par exemple un sac ou un stylo. J'ai oublié la chose. Une chose minime pour nous qui avons les moyens. Et il dit c'est combien? Il dit tant. Et il n'a pas assez pour le prendre. Imagine la tristesse de l'enfant. Et ses camarades le prennent. Vous connaissez cette situation ou pas? C'est très difficile. Au niveau d'une glace, au niveau d'un bonbon, c'est très dur. L'enfant, il peut être traumatisé sur des années. Et là, un homme le regarde et il achète. C'est une histoire vraie. Hein? Il achète cette chose-là et il lui donne. Et ça remplit de cœur cet enfant de joie. Vous avez compris l'histoire? Plus tard, cet homme, Allah l'a enrichi. Il a possédé énormément de terres. Et parmi les plus grandes palmeraies du royaume. Et c'est devenu un homme millionnaire ou la milliardaire ou la... Vous avez compris la situation? Il s'est lancé à la recherche, vous savez de qui? De l'homme qui lui avait acheté cette chose-là. Il l'a cherché, il l'a cherché, il l'a cherché. Et un jour il l'a trouvé. Peut-être un enseignant ou autre. Il lui a dit, tu me reconnais? Il lui a dit non. Il lui a dit, je suis le petit garçon à qui tu avais acheté ça. Il lui a dit, aujourd'hui c'est le jour des comptes. Hein? Il lui a dit, aujourd'hui c'est le jour du salaire. C'est le jour du dédommagement. Et c'est comme si je vous dis, par exemple, il lui a ramené une Porsche, une maison, kada kada, il lui a dit, tout ça c'est pour toi. Hein? Il n'a jamais oublié le bien qu'il lui a fait. Il n'a jamais oublié le bien qu'il lui a fait. Wahakada, on connaît des gens comme ça, on pourrait citer des histoires. Naam? On pourrait citer des histoires entre frères qu'on connaît. Il poursuivit. Je saluais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui me dit « Abshir ya Ka'b, réjouis-toi au Ka'b du plus beau jour de ta vie depuis que ta mère t'a mise au monde. » Allahu Akbar. Le plus beau jour de ta vie depuis que ta mère t'a mise au monde. Je demandais « Amin indika ya Rasulallah min indillah » Regardez Ka'b, yani il cherche le plus haut niveau chez Allah. Ça déjà c'était « Khalas ». C'est le top du top comme on dirait. Ka'b al-Malik dit, ya Rasulallah, c'est de ta part à toi, ou ça vient de la part d'Allah? Il lui dit, non, c'est de la part d'Allah. Directement, c'est le repentir accordé par Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant et majestueux. Lorsque la joie s'emparait du messager d'Allah, son visage s'illuminait, tel un croissant de lune, et cela n'échappait à personne. C'est-à-dire qu'on reconnaissait la joie sur le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Et il était ainsi quand il a vu Ka'b al-Malik et qu'il lui a annoncé son repentir. Ô messager d'Allah, je lui dis, ô messager d'Allah, à l'occasion de mon repentir, j'offre mes biens en aumône pour Allah et son messager. Celui à qui on donne un bien, qu'est-ce qu'on a dit? Il donne quelque chose. Il donne quelque chose. Lui, vous savez ce qu'il a dit? Tout ce que j'ai, je le donne. Alors qu'il n'avait plus rien presque. Il a dit, tout ce que j'ai, je le donne pour Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, garde plutôt une partie de tes biens, cela t'est préférable. Je garde donc ma part du butin de Khaybar. Dis-je, j'ajoutais au messager d'Allah, si Allah m'a pardonné, c'est parce que j'ai été véridique, sincère. Or, par ce repentir, je m'engage à ne plus jamais mentir aussi longtemps que je vivrai. Naam. Les munafiqoun ont péri. Ka'ba a été sauvé. Pourquoi il a été sauvé? Parce qu'il a dit la vérité. Alors il a pris l'engagement de toujours dire la vérité toute sa vie. Or par Allah, il n'y a pas de musulman auquel Allah a accordé la sincérité plus que moi, depuis que j'ai pris cet engagement devant le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Depuis ce jour, je n'ai plus proféré aucun mensonge dès lors que j'en avais fait la promesse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'espérais uniquement qu'Allah me protégera du mensonge pour mes jours restants. Le croyant, il cherche à faire le bien, mais il ne se sent pas à l'abri de l'égarement. Il agit avec espoir et il a peur de s'égarer. Ça, c'est le juste milieu sur lequel étaient les sahabas. C'est le juste milieu sur lequel étaient les sahabas. Et j'espère qu'Allah me préservera sur ça. C'est très important ça. Être entre la crainte et l'espoir. C'est alors qu'Allah révéla les versets suivants. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des Ansar, qui l'ont suivi un moment difficile, c'est Tabouk, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux eût été sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir, car il est compatissant et miséricorde à leur égard. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alayhim al-ard bima rahubat wa dhaqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu inna Allah huwa at-tawwab ar-rahim. Et des trois, c'est-à-dire, et il a accueilli le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, Ka'ab et ses deux compagnons. Si, bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë, et ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge qu'Allah, il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. C'est-à-dire qu'ils ont fui vers Allah. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant repentir, le miséricordieux. Parmi les noms d'Allah est Tawwab, et il y a plusieurs sens. Parmi ces sens, c'est qu'il met dans ton cœur l'envie de te repentir, et il te guide au repentir. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est qu'il l'accepte de toi. Ici, on nous mentionne les deux. Allah accueille le repentir. Naam. La suite, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Craindre Allah, c'est-à-dire faire ce qu'Allah t'a ordonné et délaisser ce qu'il t'a interdit avec science. Et soyez parmi les véridiques. Que vos paroles soient en concordance avec la réalité des faits. Que vos actions soient en concordance avec ceux qui habitent votre cœur. Il y a la véracité par les mots, il y a la véracité par les actes. La véracité par les mots, c'est de dire ce qui est en conformité avec la réalité des faits. Quel jour sommes-nous? Le vendredi. Ça, c'est la vérité, parce que c'est en concordance avec la réalité des faits. Où sommes-nous? Dans la mosquée de Pantin. C'est la vérité, parce que c'est en concordance avec la réalité des faits. C'est clair, ça? Tayyib. Avec les membres, la véracité, c'est que ceux qui habitent ton cœur soient ceux qui se manifestent dans tes membres, sur tes membres. Est-ce que c'est compris? Tu dis, j'aime Allah et son messager, tu fais la prière. Il est véridique. Tu dis, j'aime Allah et son messager, il prie pas, il est pas véridique. Est-ce que c'est compris? Hakada. Par Allah, je n'ai été gratifié par Allah d'un bienfait plus grand depuis ma guidée vers l'islam. Il dit, depuis mon islam, j'ai pas reçu un plus grand bienfait de la part d'Allah que ce repentir qu'il m'a accordé en révélant ces versets. que de la sincérité dont j'ai fait preuve envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car assurément si j'avais menti, j'aurais causé ma propre perte. On voit de cela que le menteur, il périt, tôt ou tard. Même s'il pense que sur le moment il a été sauvé. Il dit alhamdulillah, ah je les ai tous arnaqués. Hein? Il n'en dit pas alhamdulillah. Le menteur, il dit pas beaucoup alhamdulillah. Donc, il dit, super, je les ai tous arnaqués. En réalité, il s'est arnaqué lui-même. Il a péri lui-même. Et tous ceux qui l'ont trompé, ils ont tous gagné sur lui, yom al-qiyam. Parce que le jour des comptes, ils vont venir, il aura des montagnes de hasanat, ou moins que cela, et ils vont se servir de ces hasanat. Ce jour-là, qui est-ce qui aura péri? Le menteur, il périt tôt ou tard. Sauf s'il se repent chez Allah subhanahu wa ta'ala. Que de la sincérité dont j'ai fait preuve envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car assurément, si j'avais menti, j'aurais causé ma propre perte. On voit que la vérité, c'est le secours. Et que le mensonge, c'est la perte. Comme l'ont fait ceux qui ont menti. Et Allah a dénigré ceux qui ont menti, comme il n'a jamais dénigré quiconque. Ka'b al-Malik dit qu'Allah dit les pires choses au sujet des hypocrites qui avaient menti ce jour-là. Ils vous feront des serments par Allah quand vous êtes de retour envers eux. Ils vous feront des serments par Allah quand vous serez de retour vers eux. Afin que vous passiez, c'est-à-dire sur leur tort, détournez-vous d'eux. Ils sont une souillure. Ils sont une souillure et leur refuge est l'enfer en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous. Même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. Allah n'agrée pas les gens pervers. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْنَ عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم الآية. Donc les versets 95 et 96 de Sourate At-Tawbah. Notre affaire fut différente de celle des gens qui s'excusèrent auprès du messager d'Allah, jurant de leur bonne foi et desquels il accepta les excuses et pour lesquels il demanda le pardon d'Allah. Quant à nous, il nous fit attendre jusqu'à ce qu'Allah décrète quelque chose à notre sujet. Ici, Ka'b ibn Malik nous enseigne une chose très importante. كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قابل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع أي أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك قال الله تعالى على الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو. يعني dans le verset, il ne faut pas comprendre que Ka'b ibn Malik ont été rendus ou mis au même niveau que ceux qui ont fait défaut à cette bataille, à ce voyage. Non. Mais ici, Al-Irja, c'est-à-dire qu'on a repoussé leur jugement à eux. C'est-à-dire qu'Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons n'ont pas le même jugement que les autres. Retenez cela. C'est l'heure. Allahu Akbar. Taïb, il reste une phrase. Cela ne fait pas allusion au fait que nous sommes restés à l'arrière en n'assistant pas à l'expédition, mais plutôt que notre jugement fut mis en attente. Contrairement à celui qui avait fourni des excuses au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en jurant de leur véracité. Ainsi, s'arrête l'histoire de Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, et de ses deux compagnons. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les agréer et de les élever dans le plus haut degré du paradis. Comme on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'on aime les compagnons tous les compagnons, et de nous joindre avec eux yom al-qiyama et dans le paradis. Wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ayn. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار